Ça passe. Non, non, non, vraiment, faut faire gaffe, hein, c'est du poison. C'est mortel. Une youtubeuse devient chauve à cause d'un challenge, vrai ou faux? Je pense que c'est possible, ça, clairement. Oui, c'est une youtubeuse chinoise qui s'appelle Liu Jiao. En fait, elle a tenté, tu sais, le corn drill challenge. C'est un défi qui consiste à manger un épi de maïs avec une perceuse. Sauf que ses cheveux se sont coincés dans la perceuse et se sont fait arracher. Toute la moitié du crâne est partie. Enfin, les cheveux. Du coup, à moitié chauve, la pauvre. Terrible. Mais c'est atroce. Ouais, mais en même temps, toi, tu te doutes bien que mangeant un épi de blé sur une perceuse, à un moment donné, il y a des risques aussi. Faites gaffe, quoi. Donc, pas de javel et pas de perceuse. Ça a dû tellement lui faire mal, pour femme. Ah ouais, la pauvre. Mais ça part d'un coup. Ah ouais. Un youtubeur s'est déguisé en cerf et est allé dans une forêt pendant une partie de chasse. Non. Mais c'est pas Rémi Gaillard. C'est. Non, c'est faux. Ah. Rémi, il a fait beaucoup de choses dans ce genre-là pour dénoncer justement la chasse, hein, qu'il conteste et tout ça. Mais là, personne n'a fait c'est ça. Chaud. C'est trop dangereux. Qui a inventé ces petites idées? Oh, bah, tu sais, c'est nous, hein, mais il tu peux te tourner vers, YouTube. Vers les garçons là, de cette équipe, à savoir Flo et Pablo. D'accord. Voilà. Non, bah, c'est pas mal, moi, je trouve. Hein. Je passe un bon moment. Ouais, enfin, non, mais c'est crédible, c'est très crédible, c'est pour ça. Tu vois, je ne pas leur chaîne quand même. Vrai ou faux, un youtubeur donne des laxatifs à ses enfants pour faire le buzz? Non. Eh bien si. Ah bon? Oh non. Il s'appelle CJ Socool. Ouais, il s'est filmé en train de réduire en poudre une très grosse dose de laxatif. Ensuite, il a mis la poudre dans les glaces de ses enfants et les a filmés en train de galérer sur les toilettes. Alors, faut savoir que sa chaîne a été suspendue. Heureusement, YouTube a fait son taf. Non mais c'est de la maltraitance là. Évidemment. Ah, c'est bon que pour rire. Quel âge les enfants? Ah bah ça, je sais pas, j'ai pas l'info. Ils avaient 4-5 ans. 4-5 ans. De la drogue ou pire, mais... Eh oui, je sais. Un youtubeur a mangé ses excréments pour faire le buzz, vrai ou faux? Mais non. Non mais là, j'ai envie de quitter ce monde. Attends, c'était collègue, hein. J'ai envie de collègue. Non, c'est pas possible, non. Non, ça c'est faux, évidemment. Tu me rassures. Et on finit avec le pire pour la fin, et je suis désolée, mais bon, faut en parler, vrai ou faux, une youtubeuse a tiré sur son petit copain. Ah ça, malheureusement, c'est vrai. Mais si. Alors, je vous rappelle le tweet. Ça avait été terrible, puisqu'en plus, elle avait été tweetée. Elle avait mis « Pedro et moi allons tourner l'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées ». Elle s'appelle Mona Lisa. Ça, c'était avant de sortir la vidéo où elle tire sur son compagnon, en fait, qui devait tenir une encyclopédie, pensant que ça allait arrêter la balle. Sauf que pas du tout. Le compagnon est décédé. Donc, comme quoi, arrêtez de vouloir buzzer à tout prix. C'est bien beau, mais enfin, parfois, c'est extrêmement dangereux. Hein. Voilà, faites des lampes à lave. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Il faut être débile, il faut être trop con. Non, là, oui. Et alors là, il n'y a pas beaucoup d'exemples en France, donc je pense qu'en France, quand même, c'est un peu plus sage, suivi. C'est plus sage. Plus sage, il y a peut-être plus de censure, et heureusement, j'espère que ça va rester comme ça. Non, mais franchement. On va récupérer Valentin parce qu'il patiente depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai, quand même. Alors, Valentin. Oui. Déjà, une note de 1 à 10 sur ce petit jeu-là? Ah bien, j'ai envie de te dire, pour l'imagination de Flo et de Pablo, j'ai envie de te dire un petit 9,5, hein. Par contre, Valentin parle bien dans ton téléphone, hein. Je t'entends pas. Et puis surtout, c'est dans les toilettes, ça capte mal. 9,5 pour les réponses d'Alexandre, t'as presque eu un sans faute, donc c'est pas mal. C'est vrai. T'es très gentil. Oh, je crois que j'ai raté la moitié. Mais si. Soyons modestes. On t'écoute, Valentin, pour ta question. Bah déjà, Alexandre, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. C'est faux. Alors, dis-nous tout. Alors, du coup, Alexandre, j'avais une question pour toi. Ouais. C'est, on te voit souvent dans tes vidéos, ben, tu es tout seul. Oui. Et est-ce que tu es vraiment tout seul pour monter tes vidéos, faire le cadrage, etc. Ou est-ce que tu as une équipe, tu as des gens avec toi qui t'aident à cadrer, etc. C'est une très bonne question. Et je m'appelle Alexandre Calvez. La première lettre de mon prénom, Anso, c'est quoi? Et Marion, la dernière lettre de mon nom, c'est quoi? Z. Voilà, et donc je fais tout, toute seule, de A à Z. Mais qui est poétique. C'est bon. Non, c'est vrai. Je tourne tout seul, je fais la préparation tout seul, je choisis mes sujets tout seul, je monte tout seul et je réponds aux commentaires tout seul, je viens tout seul à la radio. C'est vrai ça. Et voilà, bah, c'est déjà pas mal en fait. Mais c'est vachement taf du coup. Par exemple, une de tes vidéos en moyenne, ça te prend combien de temps pour tout faire de A à Z justement? 4 jours. Non-stop. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas en faire plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire deux fois par semaine, par exemple, les vidéos que je fais le dimanche. Mais malheureusement, comme ça me prend 4 jours, bah, c'est mathématiquement pas possible. Ouais, évidemment. Oui, Flo. Mais du coup, tu te serais appelé Alexandre Calveb, t'aurais été dans la merde. c'est vrai. Et par contre, j'aurais pris des gens. Ton livre, on est d'accord, tu t'es un peu fait aider, parce que c'est compliqué de faire un livre tout seul quand même. Alors, évidemment, il y a mon éditeur qui m'a aidé pour la mise en page, etc. Les textes, c'est moi qui les ai écrits. Et les illustrations, pardon, c'est Daniel Maquet qui l'a fait. C'est un illustrateur américain qui fait des choses très intéressantes, de culture pop, vous pouvez aller voir. Il fait des Pokémon en version un peu horreur. Il fait des choses sur Stranger Things, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Charmé. Et voilà, Valentin, il se débrouille solo, Alexandre, et c'est tout à son honneur, hein, du coup. Voilà, Valentin. Eh bien, carrément. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on l'adore, d'ailleurs. Ah, bah, c'est gentil. Ouais, ça, c'est vrai que c'est sympathique. On t'embrasse, Valentin. Enfin, on va t'embrasser aussi dans un instant, va. Il n'y a pas de souci. Bisous, Valou. Bisous. Ah ouais. Bisous. Et en tout cas, moi, j'ai passé un super moment une nouvelle fois avec Alexandre Calvez. Il n'a pas changé, il n'a pas pris le melon. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je l'adore. Et puis, en plus, maintenant, je pourrais dire à tout le monde, vous savez que le gars a chose du 45. C'est ce qu'il me l'a dit. Et ouais. Grande chaussure. Grande chaussure. Il faut choper son livre. Il est disponible partout. C'est une bonne idée de cadeau de Noël, hein, ça, c'est vrai. 50 DIY pour toute la famille. Allez-y. Il y a plein d'idées, il y a plein de tutos, de crash tests à réaliser à la maison pour tous les niveaux et pour tous les âges. Merci beaucoup, Alexandre. J'espère qu'on te reverra vite dans cette émission. Ben, merci de m'avoir invité et je vous souhaite beaucoup de succès. Oh, ben. On t'embrasse fort. Il est chaud. Je vous embrasse aussi. Parce qu'on l'aime, celui-là. Bisous. Ouais, et puis, tu nous quittes. Juste avant d'accueillir Love in Fun, quand même, on va féliciter Ludivine, 33 ans de Lille. Pourquoi ? Parce qu'elle a gagné. Ah, ah bah elle a gagné le t-shirt Perco. Exactement, le t-shirt bon pour le dos. C'est mon petit slogan. On lui envoie à la maison et il y aura un autre gagnant dès demain. Bah, c'est vrai. Soyez bien avec nous dès demain et on accueille tout de suite toute l'équipe de Love in Fun, Karel, Alice et Doc. Eh bien oui, bonsoir. Salut à tous. Bonsoir, ils sont en forme. Ah bah oui, forcément, il va se passer plein de choses dans l'émission. On va mettre une petite photo du tatouage d'Alice aussi. Ah ouais. Attends, sans déconner, j'ai vu sa story Instagram aujourd'hui. Demande-lui, je suis allée la voir dans son bureau. Je lui ai dit, il est magnifique, il est waouh. Son tatouage, et en vrai, il est ouf son tatouage. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment contente. J'ai fait ça par Susanna qui tatoue dans le coin et qui a tatoué aussi l'équipe du Morning. Et franchement, elle fait des trucs de ouf. Hein. D'une finesse. Ah ouais, j'adore. Ouais. C'est délicat, c'est doux, c'est féminin. Du coup, tout le monde est tatoué sauf toi, la Karel, maintenant. Ah non, je suis tatoué de partout. Il est tatoué. Mais j'ai coutume de dire. Oui, j'ai coutume de dire que pour le voir, il faut coucher avec moi. Ah, voilà. Mais je savais pas. Elles sont deux. Bah non, j'ai pas vu ton tatou, moi. C'est quoi ça? Waouh! Il a un énorme tatouage dans le dos, le gars. Je vois pas à poil tout le temps aussi. Et ça descend comme ça sur les côtés dans le. Absolument, c'était un string. Ouais. Et ben l'équipe de tatoués, on va vous laisser. Hein. Ça marche. Franchement, vous êtes archi stylé en tout cas. On vous embrasse très fort. Marrant. Bonne émission. Nous, on se retrouvera demain en direct dès 20h sur Fun Radio. On aura une autre invitée jeudi, c'est Aya Nakamura. Voilà, on fait des bisous et puis on vous dit au revoir. Hein. Ah, à demain les dindons. Copines. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Et oui, c'est une grosse ambiance dans les studios, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi soir, nous sommes en direct, comme chaque soir, du dimanche au jeudi, 22h minuit, c'est le nouvel horaire de Love in Fun. Il y en a encore qui découvrent que Love in Fun, maintenant c'est tous les soirs de 22h à minuit. On dit bonsoir à tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui n'écoutaient peut-être pas Love in Fun quand c'était entre 20h et 22h. Et on salue bien sûr ceux qui continuent de nous écouter et d'être là présent tous les soirs, car grâce à vous, on passe de très très bonnes soirées. J'avais envie de dire autre chose, mais j'ai pas encore envie de le dire. C'est une petite surprise. Oh là là. En tout cas, on va vous régaler ce soir. Alors bien sûr, ce soir c'est un événement, hein, puisque nous fêterons l'anniversaire de Méloche. Ah bah oui, à la musique. À la musique. Quand une année est passée, quand une bougie de soufflé. Te souhaitons un joyeux anniversaire Méloche. Pour l'année entière, une année où tu pourras peut-être enfin faire l'amour. Voilà, stop. Arrête. Oh là là, gênant. Ah, bien sûr. Bah, en même temps, quand tu passes du Patrick Sébastien, ça peut être que gênant le truc. Hein. Ça va, Méloche? Ça va super, merci. Méloche a eu 25 ans aujourd'hui. Ouais. 25. Ça fait combien de jours maintenant que t'as pas vu le loup? 544 jours. Oh. Eh oui. Et ce soir, je peux te dire que ça va changer. J'ai trop peur. Ah, et t'auras une petite surprise. Elle va pas non plus t'emballer. Hein. Attention. Hein. Ah, je vais te dire, on a offert des gâteaux à Doc. Ça va, quoi. Hein, et c'est quand même Doc. Ça va, Doc? Très, très bien. Bon, on est très content que tu sois là, Doc, comme tous les soirs. T'as passé une bonne journée, Doc? Tu m'as pas raconté ta journée aujourd'hui. Oui, j'ai travaillé sur ma présentation pour le Congrès national de proctologie sur le plaisir anal. Ah, c'est pas génial. Vrai? Génial! Oui. Sérieux? Ouais, putain, ouais. Tu fais des journées où... et alors, du coup, vous testez et tout Faut rechercher des études, il faut voir les statistiques, regarder l'histoire, etc., etc. Ah bah voilà, si vous avez une question sodomie, Doc a passé la journée là-dessus. C'est ça, oui. Eh bah voilà, c'est ça les journées d'un sexologue. Attends, sans déconner, c'est fou, hein. N'hésitez pas à nous appeler, il est médecin, il est sexologue, et il peut répondre à toutes vos questions, il est incollable. Moi, je m'appelle Karel, bonsoir. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alice l'a tatouée. Oui, je suis une bikeuse, moi, je suis une tatouée. C'est énorme, franchement. Alors, je suis allé voir Alice au salon de tatouage. C'est vrai. Elle s'est fait tatouer par... j'ai dit que je lui ferais un petit bonjour. Susanna, j'espère qu'elle écoute. Et alors, elle déchire. Franchement, elle déchire. Grave. Dites tout ce que vous pensez du tatouage d'Alice. On l'a mis quelque part ou pas? On va faire une petite photo là pendant le prochain titre et on va vous montrer tout ça carrément. Ah ouais, ça va, t'as pas trop mal? Écoute, j'ai pas eu mal du tout, mais Susanna est réputée pour être quand même assez douce. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, elle fait des tatouages de ouf. C'est sur le salon de tatouage Black in Story. Et donc vraiment, elle fait des trucs de dingue. Donc non, j'ai pas eu mal sur le coup. Mais là, ça commence à me faire un petit effet coup de soleil, quoi, tu vois. D'accord, oui, forcément. Tout va bien, tout s'est bien passé au niveau du tatouage. Ça a l'air très joli, c'est très peu inflammé, ça a l'air très bien. Ah bah voilà, tout va bien. Tu as une peau qui est très peu inflammée. Ah, Alice. Pas d'infection en vue, tout se passe très bien. Doc a examiné. Il n'y en a qu'un seul qui a pas aimé le tatouage d'Alice, c'est Cassim. Ouais. Pourquoi Cassim? Moi, je trouve ça dégueulasse, ces tatouages. Pourquoi? J'aime pas ça. Je suis le seul d'ailleurs de l'équipe qui n'est pas tatoué. Ah ouais? Et c'est vrai que j'aime pas ça, je trouve ça moche. Pourtant, t'as des parties à recouvrir. Hein. Oui, je sais. Ouais. Genre ta gueule. Genre toute ta gueule. Il est méchant parce qu'il a dit j'aime pas les tatouages, mais franchement, celui-là, je le trouve stylé. Ouais, c'est vrai qu'il est joli. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le tatouage, je trouve ça moche. Je comprends pas, moi. D'accord. Donc celui d'Ali, j'imagine que tu le trouves. Oui, non, ça va, il est mignon. Ça passe. Et le mien? Ouais, c'est une raie, donc. Ok, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Coco du standard, ça va, Coco? Super bien. Bon. Chaud patate là. Des chaud patate. Ouais. Bah, il est au taquet, Coco, je vous explique même pas. T'es venu à quelle heure à la radio aujourd'hui pour. 14h. 14h, sans déconner. Mais t'as des études en plus. Oui, mais j'y suis pas allé, faut pas le dire. Mais t'as oh, il a séché. Ça sert à rien. Ça a méloche. Toujours bien. Bon. Méloche, ce soir c'est ta soirée, je te l'ai dit. Il va se passer des trucs, il y aura des petites surprises. Il va falloir bien rester avec nous. Surtout, il faudra bien vous connecter sur le site de funradio.fr, il va se passer des choses. Morgane est avec nous, on l'accueille, c'est notre auditrice du soir. Bonsoir Morgane. Bonsoir Levin Fan, je suis tellement contente de vous avoir ce soir. Oh. Salut. Ça fait plaisir, on sent que c'est sincère. C'est vrai, c'est vrai. Tu viens d'où toi Morgane? Eh bien, je viens de Brest. À la Bretagne. Ah, voilà, encore une Bretonne. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et t'as 27 ans, Morgane. Tout à fait. Tu es célibataire, t'as un mec? Je suis célibataire. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour, toi? Il y a une semaine, 15 jours, un truc comme ça. Ah, on se fait des petits crushs, des petits plans cul de temps en temps. Faut bien s'entretenir. Il faut bien s'entretenir. Et alors, c'était bien, il était performant, le mec C'était pas mal, c'était pas trop mal. Non, mais alors, est-ce que c'est vrai que vous nous notez des fois, genre vous mettez des appréciations sur des petits carnets, des petites choses comme ça? Sur un carnet, non, mais dans ma tête, c'est ouais, lui c'était pas mal, ça faisait bien de mettre ça chez lui, ça c'était pas trop terrible par contre, tu vois. Alors, c'était quoi son truc en plus et son truc en moins au dernier là qui t'a fait l'amour? Son truc en plus. Il était assez expressif, c'était pas mal. Et son truc en moins, il n'était pas assez bien monté pour moi. Ah bah voilà, il avait une petite bite. Mais par contre, il parlait, c'est ça? Il était expressif, il disait des trucs de quel genre? Il gémissait, il me parlait, il me disait que j'étais belle, que j'étais bonne, suivant le moment où j'étais. Ah oui, ce genre de choses, quoi. Ah génial, mais moi j'arrive pas à me lâcher des fois, à parler comme ça, à sortir des petits trucs. Faut être en confiance avec la personne, quoi. Ouais. J'arrive pas à parler. Non mais c'est pas que j'arrive pas à parler, mais tu sais des fois j'aimerais bien sous le coup et tout donner un petit comme ça. Et je sais pas, je respecte trop. C'est un jeu. Ouais, je sais. Attends, en fait, je lui dirais que c'est un jeu, finalement. Ah. Non, t'aimes ça, hein? Là, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Eh ben, écoute. Dans ta tête, à toi, ben, c'est un jeu. Eh ben, voilà. Eh ben, Morgane, on est très content de t'accueillir. On te connaît un petit peu plus maintenant. On sait que t'as fait l'amour il y a moins d'une semaine avec un mec qui avait une petite bite. Et tu vas choisir ta musique, Morgane, ce soir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans Love in Fun? Eh bien, ça me ferait bien plaisir d'écouter Calvin Harris. Ah oui. Calvin Harris. Et votez pour les Fun Radio DJ Awards. Mais bien sûr, vous avez jusqu'à minuit pour voter pour les Fun Radio DJ Awards. Les Fun Radio DJ Awards tout le week-end, vendredi, jeudi, vendredi, samedi, dès 16h avec JB et Adrien Thomas en direct d'Amsterdam. Black Coffee avec Drive sur Fun Radio. C'est ce qui vous attend, entre autres. Et choisissez la musique avec nous, vous êtes les rois ici. Hein. 01 42 48 5000. Nous allons accueillir Lise, elle a 20 ans, elle nous appelle de Reims, c'est une petite rémoise. Bonsoir Lise. Bonsoir Levinson. Bonsoir. Bonsoir Lise, ça va ta journée, c'est bien passé? Bon, écoute, plutôt cool, ouais, ça a été, mais bon, justement j'appelle par rapport à mon taf. Donc, À ton taf, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi dans la vie toi Lise? Je suis serveuse, voilà, dans un petit snack, enfin un petit, ouais, voilà, un truc qui sert de la bouffe rapide, voilà. Ouais, d'accord, et un flunch. Non, un snack, voilà, on fait un peu de tout, burger, tacos, tous ces trucs-là. Ok. Voilà. Et bah, en fait, j'ai un petit problème, voilà, j'ai un truc qui me dégoûte au travail et je sais pas trop si je dois en parler au patron. Donc, je voulais avoir votre avis, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait le collègue? Et ben, c'est surtout les cuistots qui se tapent des gros délires de cul, mais sur la bouffe, en fait. Oh non. Donc, de cul, c'est-à-dire. Voilà, bah, au début, je peux vous trouver ça drôle, quoi, tu vois, quand tu mimes un doigtage dans les bagels, bon, voilà, ça, voilà, on trouve ça un peu rigolo, et puis, ça va un peu trop loin quand tu vois qu'ils lèchent les tacos pour mimer un cuni, ou pour, quand ils mettent le pain à burger, autour de leur bite en disant tu veux pas un McBeat? J'adore. Excellent. Voilà. Moi je trouve ça très drôle, mais le geste c'est pas très hygiénique. Lise, c'est quoi ce délire? T'es en train de nous dire que tu bosses au McDonald's, parce que c'est au McDonald's qui font toujours les petits bagels. Ils font les petits bagels, c'est vrai. Et l'autre ils font des McBeat, tu sais, ils mettent leur bite dans le bagel. Mais ils le font pas en vrai, c'est par-dessus les vêtements, etc., etc. C'est du délire, quoi. On est dans du réel. Et en plus, ils vendent parce qu'il y a des stories Snap ou Insta. Ah ouais. Et parce que je les vois pas tout le temps, en plus. C'est juste qu'en plus, ils s'amusent tous les deux. Ils sont vraiment dans le délire sexuel et dégueulasse, quoi, en fait. Ouais. Donc, autant un doigt dans un bagel, bon, peut-être que ça peut passer. Je suis pas tout à fait sûr sur le plan de l'hygiène. À moins qu'ils aient des gants. Ouais. Mais alors, en revanche, le sexe dans. Elle habite dans le bagel. Ah, mais c'est dégueulasse. Ça vous c'est parle pas sûr des que toiles, non. Des poils, ils bah oui. Un petit peu, voilà, enfin, ah, ils agrémentent un peu. De quoi? Ils foutent des poils de top dedans et tout. Voilà. Oh, ouais, non. Oh non, c'est génial. Eh, vas-y, donne-moi l'adresse. La feuille de salade. Non, c'est pas possible. Bah, justement, je veux pas dire trop où c'est, ni ce que c'est. Ah, mais bon. Enfin, voilà. T'inquiète pas, Lise, maintenant. Tu t'entends comment avec eux? Avec les collègues, en tout cas. Je m'entends bien parce que, bon, je trouve ça rigolo. Sur le principe, on peut rigoler de tout. Maintenant, là, c'est dégueulasse. Et surtout, en fait, mon problème, c'est que c'est le neveu du patron, le cuistot principal, et c'est son meilleur pote, en fait. D'accord. Et je sais pas trop comment aborder le sujet avec le patron, parce que moi, ça me gêne vraiment vis-à-vis de la clientèle. Ouais. Ma famille est déjà venue manger, et maintenant, je leur ai dit de pas venir, quoi. Enfin. Tu lui en as parlé à lui, en direct, au neveu du patron? Chef cuistot. Bah, en plaisantant, en disant la vanne est drôle, mais bon, c'est un peu pas hygiénique par rapport aux clients. Mais eux, ça les fait vraiment marrer, quoi. C'est des gamins dans leur tête et. Tu l'as dit combien de fois? Une fois? Oh, peut-être deux, trois fois, c'est tout. Parce qu'après, j'ai pas. Enfin, quand je les vois que sur des vidéos Snap ou Insta, je vais pas les voir en disant vous avez fait ça, c'est dégueulasse, quoi. Je parle quand tu les vois en direct faire ça. Voilà, je dis les mecs, vous êtes trop cons, mais franchement, ça se fait pas. Bon, le coup du McBeat, j'avoue, j'ai rigolé parce que je trouve la phrase très drôle. Attends, après, c'est servi aux clients, vraiment, Lise. C'est. Quand je vois. Moi, je fais que passer, je suis pas en cuisine avec eux en plus. Voilà, mais. Oui, voilà, il y a des choses qui sont servies aux clients, ouais. Donc, il faut le dire, c'est sérieux. Clair. Et que tu t'entends comment avec le patron? J'ai commencé il y a 5 semaines, quoi, donc c'est pas non plus mon pote et ça reste un patron, donc. C'est un patron, donc il faut aller lui dire en tant que patron. Je lui dis, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mais il fera. Mais tu lui dis des faits. il y a des faits. C'est simple, tu les racontes, ouais. Tu dis, tu juges pas, c'est tout. Tu lui dis voilà, écoutez, j'ai ça à vous raconter. Il décidera. C'est pas à toi de décider, évidemment. C'est lui. Alors après, il en fera peut-être rien. Tu verras bien à ce moment-là. Mais il faut que tu le dises. Tu peux pas. S'il est pas au courant, c'est pas possible. Ou c'est pas des vidéos. Mais je me dis qu'il peut pas passer à côté de ça. Ah bah peut-être que si, hein, t'en sais rien. Mais peut-être qu'il est même au courant, qu'il voit les vidéos et puis qu'il dit bon, je m'en fous. Très bien, c'est pas ton problème. C'est lui qui prendra les décisions. Mais en tout cas, c'est ton devoir de le dire, parce que derrière il y a des clients. D'accord. Ah ouais, non, Lise. Oui, c'est ça. C'est. Mais je pensais pas qu'ils allaient. Enfin, je pensais que ça restait en cuisine et qu'après c'était ou jeté ou je sais pas quoi. Mais j'ai vu que ça avait des choses qui avaient été servies. Ouais. Ah, Lise, ça sera lui qui vérifiera. Il vérifiera si c'est jeté après, ok, très bien, mais vaut mieux ça. D'accord, Lise. Bon, et c'est important que tu le fasses, hein, vraiment. D'accord, ouais. Bon, ah non, mais j'avais entendu des trucs chelous et tout, quoi, mais sérieux, là, pour le coup, c'est. Là, c'est plus chelou. C'est vrai que le McVit, c'est rigolo, mais tu peux pas le servir aux clients après, vrai, quoi. Ouais. Non, vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà goûté des trucs horribles dans les restaurations rapides ou autres, hein, dans les grands restaurants, des fois, t'as des trucs horribles et tout. Venez nous raconter 01 42 48 5000. Je compte sur toi, Lise, hein, ma chérie. Hein. Ouais, pas de soucis. Merci, hein, à vous, en tout cas. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous appeler là toute la soirée sur Fun Radio au 01 42 48 5000. Dans un instant, Alice, on va parler de ce qui nous dégoûte. Oui, c'est ça. On a reçu un message de Coralie. Elle a testé le food porn. Donc, tout allait bien jusqu'au moment où son mec a voulu lui mettre un concombre. Donc, on parle des trucs qui vous plaisent pas trop au lit. Ouais, n'hésitez pas à nous dire, hein, s'il y a un truc qui vous dégoûte un peu sexuellement, vous avez déjà testé un truc que vous avez pas du tout kiffé. 01 42 48 5000. Et ce qui nous attend, c'est Dinoro, le tube découvert ici sur Fun Radio. À tout de suite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Les amis, faites du bruit pour Harry Habitant. On fait un quiz, il y a forcément Harry dans la réponse. Je suis complètement prêt. C'est un jeune magicien à lunettes. Il y a forcément Harry dans la réponse. Non, il est sorti. Harry Potter. Bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai été chercher Houdini, n'importe quoi. Je suis dans des réponses d'il y a 1000 ans. Majax. Gus, l'illusionniste. Plus compliqué. Vas-y. C'est une chanson de Kenji Girac. Aritano. Réécoutez Bruno dans la radio en podcast sur funradio.fr. On n'a pas tous les jours 20 ans, alors chez Cdiscount, on a décidé de propulser des offres dingues tous les jours. Tenez-vous prêts ! Aujourd'hui seulement, la mallette à outils Manu Pro 199 accessoires est à seulement 39,99€. Vous me recevez 39,99€ ! Avec une offre aussi astronomique, c'est tout l'univers qui va vouloir en profiter. Alors prévenez-les tous ! Cdiscount, 20 ans, et rendez-vous demain pour de nouvelles offres. Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Offre valable ce jour dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur cdiscount.com. Fun Radio. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 13 octobre au 10 novembre, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les roues complètes été ou hiver. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Fun Radio présente le Yeti Race Tour le dimanche 25 novembre à Tille. Venez réveiller le Yeti qui sommeille en vous en participant à la course la plus déjantée de l'hiver. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire. Rendez-vous sur yetirace.fr. Le Yeti Race Tour, un événement Fun Radio. Jurassic World Fallen Kingdom, le dernier opus de la saga Jurassic Park. Bienvenue à Jurassic World. Des scènes d'action à couper le souffle. Jurassic World Fallen Kingdom en Blu-ray DVD. La vie reprend toujours ses droits. Avec Fun Radio. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Fun Radio. Fun Radio et l'association Tremplin Blaise Matuidi présente les Tremplins Live Acte 2. 3 heures de show inédit. Le lundi 29 octobre au Cabaret Sauvage à Paris. Avec sur scène VG Dreams, Franglish, Neige, Dadju et la présence exceptionnelle du champion du monde Blaise Matuidi. Réservez dès maintenant votre place dans les points de vente habituels et sur funradio.fr. Les Tremplins Live Acte 2, en association avec SM Conseil et MS Angels Productions. Lundi 29 octobre à 19h. C'est avec Fun Radio. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de tigre. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight Iced Tea Pêche Acérola en te disant « J'ai les crocs !» Alors là, tu kiffes. Nouveau Sunny Delight Iced Tea. Drink Sunny and enjoy. Pour votre santé, évitez de grignoter. De 22h à minuit. Lovin Fun. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Sur Fun Radio. Lovin Fun sur Fun Radio. Et oui, ce soir, un nouvel examen. Un nouveau diplôme va être gagné en direct ce soir dans Love in Fun. Et quel diplôme? C'est l'examen. Participez en nous appelant là dès maintenant au 01 42 48 5000. 10 euros, c'est maintenant dans Love in Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Alors, on a parlé du tatouage d'Alice. Hein. Bien sûr, on vous l'a mis en Insta Story. Hein, sur l'Insta de Love in Fun. L-O-V-I-N-F-U-N. N'hésitez pas à aller mater un petit tour là sur l'Instagram. Et puis on a tous Instagram ici, Alice _ Fun Radio. Le mien c'est Karel Fun Radio avec un K. On vous met des photos justement hein, régulièrement. Et puis des petits Insta de ce qui se passe un petit peu en antenne avec toute l'équipe. Ce soir je rappelle qu'on va fêter l'anniversaire de Méloche. Il y aura une petite surprise pour Méloche. À mon avis, mais là, je vais être contente. Hein. Ah, j'espère. Bah, ça va, ça a mouillé. Ça a mouillé. Restez avec nous. Toutes les auditrices seront peut-être très contentes. Ah, mais bien sûr. Ah, bah alors là, on vous réserve. Non, mais c'est vrai, il y en a que pour les mecs dans toutes les émissions de radio. Ça, ici, on pense aux femmes. Oui. Et on vous embrasse très fort. Gros bisous, mesdames, mesdemoiselles. Tu sais, c'est le mec qui fait flipper et tout. Ah, grave. Hein, j'essaie de faire ta voix, donc j'y arrive pas. Oui. Elle fait flipper ma voix? Non. Ah ouais, c'est ça en fait. Mais bien sûr. Ah bah voilà, ça y est, je l'ai dit. Non, non, pas du tout, Doc. T'as une très belle voix grave. Dis merci. Bonsoir pour voir. Bonsoir. Ah putain. Allez, putain, foiré. Bah. On va accueillir une question à la con. Allez, c'est parti. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Antoine, c'est Doc. Ça va? Salut l'équipe, salut l'océan, comment c'est que ça va? Bah ça salut va Antoine, Comment c'est que ça va? Comment c'est que ça va? C'est pas. Comment que c'est que ça va? Comment que c'est que ça va? Ça vient d'où ça? C'est de Nancy ça? C'est nancéen cette expression? Ah bah oui, c'est comme ça. Ah bah oui. C'est Lorrain. Ah bah ça fait plaisir. Franchement, on est content. La Lorraine, je rappelle que c'est chez les Lorrains que mesdemoiselles, vous avez les meilleurs coups. Hein. Et oui, c'est vrai. C'est chez c'est en Lorraine que les hommes ont le plus connaissance du point G chez les filles. Oui, c'est ça, ils le trouvent à 70%, il me semble que c'est ça. Absolument. Antoine, tu t'y connais ton point G? Ouais, enfin surtout en Mirabel, en Pointe-et-Lorrain et tout comme ça. Une bonne quiche Lorraine. Ah bah, Antoine, une petite question à la con. Vous savez qu'ici, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez, même les questions les plus cons. Antoine, quelle est ta question à la con ce soir? Ouais, alors j'ai une question. Pourquoi ma bite est plus bronzée que le reste de mon corps? Ah, c'est vrai que j'ai... Putain, c'est une bonne question. Parce que je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi est-ce que notre sexe est plus bronzé que le reste de notre corps, Doc? Alors que, généralement, c'est une partie qu'on ne met pas au soleil. Hein, c'est vrai? Et ça doit être des réminiscences de quand on était mammifère et qu'on se baladait... se baladait. Le sexe à l'air. Ah. Je pense que la pigmentation doit rester là parce que je vois pas d'intérêt sinon particulier à ce que ce soit plus bronzé. Je pense que ça doit être ça, des réminiscences. D'accord. Okay. Comme le coccyx, hein, qui est une réminiscence de la queue des mammifères. Moi, j'étais persuadée que c'était à cause de la finesse de la peau et du fait que, je sais pas comment expliquer, la peau elle est moins tendue, c'est comme pour les couilles. Et j'ai déjà remarqué, moi, si tu vois, je prends un bout de peau de ma hanche et je le plie un peu contre, ça fait comme une peau de couille, tu vois, ça devient plus foncé. Ok, donc vous savez ce qu'Alice fait le soir quand elle rentre de l'émission, elle s'amuse à faire de la peau de couille avec sa peau des hanches. Hein, c'est vrai? Non mais c'est vrai, mais je vous montrerai. Mais en fait, genre, je sais pas, comme si ta peau, les endroits où ta peau est plus fine, si tu la resserre un petit peu, tu vois, parce que forcément elle est pas tendue, c'est comme niveau des couilles, j'ai l'impression qu'elle est plus foncée, comme par exemple quand tu bronzes l'été et que tu te mets assise, quand ton ventre se tasse un petit peu, bah ça te fait des petites marques plus foncées. Enfin, c'est ma théorie, mais qui apparemment est totalement fausse. Je vais vérifier la réponse, hein. Ah oui, elle est pas si con cette question. Alors, non mais bien sûr. Antoine, on t'avait demandé une question con, pas une question putain d'intelligente. C'est trop compliqué pour nous. On sait pas Antoine. A priori, ce sont des réminiscences. Rien, bien sûr. Mais alors toi, Doc, qui fait du nudisme l'été, pas du tout. Du coup, t'es bronzé partout, toi. Pas du tout. Je ne fais pas de naturisme. Arrête. Non, tu fais pas de naturisme, Doc. Non, non. Il faudra que tu m'expliques les photos que j'ai vues sur certains sites. Hein. Hein, parce que le mec a ton visage, hein, c'est bizarre. Il a même beubard. Hein, donc je dis ça, je dis rien. Antoine, t'es un fidèle auditeur? Ouais, tous les soirs, tous les jours. Tous les soirs, tous les jours. C'est quoi l'horaire de l'émission? 22h. 22h jusqu'à quelle heure? Ok, d'accord. Comment s'appelle le mec, le producteur de l'émission, Antoine? Kassim. Ouais, c'est bien. Et au standard, t'as été reçu par une voix féminine ou une voix masculine? Féminine, mais je sais plus du tout le nom. Méloche, c'est Méloche. Elle est célibataire, Antoine. Toi-même, tu es peut-être célibataire? Moi, je suis célibataire, oui. Bon, bah, je vais te la repasser en antenne. Elle a 25 ans aujourd'hui, fais-lui sa fête. Ok, ça marche. Bisous, mon Antoine. Bisous. Allez, salut. Bisous toute l'équipe, salut. Salut, poteau. Et on va accueillir Roxane. Roxane est avec nous. On va parler des choses qui nous dégoûtent sexuellement. Alice, quelqu'un a vécu une sale expérience, une sale histoire. Ça. on a reçu un message de Coralie, en fait, avec son mec. Ils ont testé le food porn. Donc, tout se passait bien. Ils ont tenté des trucs à base de chantilly, tout ça. Donc, en fait, c'est allier la nourriture, enfin, le jeu avec le sexe la nourriture. À la nourriture. Voilà, exactement. Faire l'amour avec des aliments, des trucs comme ça. Ils ont testé au début la chantilly, tout se passait bien. Et après, le mec a commencé à lui dire, on va tester avec un petit concombre. Donc, elle s'est laissée faire. Elle a dit, OK, pourquoi pas. Sauf que le malade, il a fini par vouloir lui rentrer carrément la bombe de chantilly, tu vois. Donc, elle a commencé à dire, non, ça va un peu trop loin. C'est des pratiques bizarres. Bien et sûr. Du coup, on en parle ce soir de tous les trucs que vous avez testés sexuellement pour une expérience, mais que vous n'avez pas vraiment kiffé. Ah ouais, non mais la bombe, enfin des chantilly dans le cul, et on en parlait il y a pas longtemps avec des questions de l'examen. Ah bah il y en a qui la mettent dans le cul. Mais c'est plus facile à rentrer dans le cul parce que il paraît que l'anus quand même ça. La bombe de chantilly. Non mais je sais pas, personnellement j'ai pas testé, mais avec un peu de préparation, il paraît quand même que l'anus se dilate bien plus qu'un vagin. Oui mais enfin faut quand même une forme un peu profilée pour y arriver. C'est-à-dire un truc qui roule comme ça, un cylindre, c'est assez compliqué quand même. Hein. Bah oui. Mais avec le bouchon, c'est un peu arrondi, genre. Écoute, Alice, tu fais ce que tu veux de tes week-ends, on ne veut pas en savoir plus. Hein. C'est pas moi. Roxane, le concombre, c'est plus facile. Ah, bien, voilà, et une capote sur le concombre, enfin. Bah oui. Amis, protéger la nature. Roxane est avec nous. Bonsoir, Roxane. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir, Roxane. T'as 24 ans et t'es à Vichy. C'est ça. Oh, j'ai chaud, moi. Pardon. Ah, il fait chaud, hein. J'ai pas mis de t-shirt, du coup, j'enlève tout, je suis à poil. Ça t'exciterait, Roxane? Totalement. Ah, super. Ça, c'est une belle réponse. Roxane, qu'est-ce qui te dégoûte sexuellement? Je déteste l'éjaculation faciale. Ah, mais c'est dommage, moi j'adore. Hein, non, c'est vrai, c'est génial. Après, vous en avez partout, c'est super. Oh là là, ça colle, ça fait boucler les cheveux. Ah, Alice a déjà fait une éjac face. Ça y est. Non mais tu vois, c'est pas forcément voulu, c'est genre tu fais une fellation et tu vas jusqu'au bout. Si tu fais une vraie bonne fellation qui va jusqu'au bout, c'est pas voilà quoi, ça peut sortir à tout moment, tu peux en avoir un peu partout. Ouais, non mais après vous pouvez décider. Ça fait du gel. C'est vrai. Il y a du sucre, ça colle. Voilà. On peut décider, ok. Mais je veux dire, si tu veux vraiment continuer le mouvement de va-et-vient, c'est possible que tu montes un peu trop. Tu vois, il y a des petits jets qui vont partout. T'en prends dans les cheveux. Moi, j'en ai déjà eu partout. Hein. Et puis, des fois, il y a des grumeaux et tout qui restent dans les mèches. C'est dégueulasse. Ah oui. Il y avait ce film où il y avait un passage comme ça. Marie à tout prix, ouais. Voilà. Avec Cameron Diaz et Adam Sandler, je crois. Un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Roxane. Oui. Roxane, raconte-nous ton expérience ratée d'éjaculation faciale. J'en ai eu plusieurs. La première fois, c'est moi qui ai voulu tester. Ouais. Et je sais pas, je me suis retrouvée avec un truc chaud, sur le visage, dans les yeux, partout. Enfin, c'était. J'ai trouvé ça plutôt écœurant. D'accord. La première fois, du coup, après j'ai testé la seconde fois avec un autre partenaire et j'ai trouvé ça plutôt un peu humiliant dans le sens où, par exemple, une femme fontaine, elle va pas aller coller son vagin sur le visage de son mec. Elle peut si elle veut. Oui, elle peut. Elle peut. Oui, bien sûr, mais c'est peut-être moins répandu que l'éjac facial. Enfin, c'est assez rentré dans les mœurs. Genre, enfin, les gars, ils s'attendent surtout dans les films porno. Déjà, et puis Même il y a beaucoup de mecs qui demandent, alors que moi ça me dérange pas d'avaler ou sur les seins ou partout, mais pas le visage quoi. Enfin, il y a quand même moins de femmes fontaines dans les statistiques qu'il n'y a d'hommes qui éjaculent. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vu comme ça. Après, sur la pratique de l'éjaculation faciale, autant moi j'aime bien quand tu fais une petite fellation et tout et tu vas jusqu'au bout. Hein, mais l'éjaculation faciale, alors moi j'ai carrément du mal avec ça quoi. C'est-à-dire que ce que tu disais, genre l'espèce d'humiliation, je trouve qu'il y a un côté un peu humiliant pour la nana quoi. Et je vois pas le délire où c'est excitant d'éjaculer sur le visage de ta copine. J'ai l'impression que c'est bien plus excitant d'avaler. Moi je suis bien d'accord avec toi. Alors, Coco, t'es pas d'accord, Coco du standard. Non, j'ai juste fait un froncement de sourcil. Oui, je suis pas d'accord. D'accord. Et je vois ta copine autrement. Continue. Ouais. Vas-y, là, je la vois avec plein de sperme sur le visage, là. Alors, je la connais à peine. J'ai vu quelques photos. Maintenant, je la vois toute dégoulinante. Non, mais des fois, ça m'arrive. Franchement, des fois, ça m'arrive. C'est pas un kiff. Ça va faire très macho, mais je me sens plus masculin. Genre, tu te mets dans quelle position? Genre, t'es debout, là, et ta meuf, elle est à genoux. Elle est à genoux, et là, elle est prête à recueillir ta semence. Mais si tu veux, ça c'est un peu mon fantasme des films de cul que j'ai pu voir, et ça me fait vraiment kiffer la fin comme ça. Ah, tu sais, dans les films de cul, quand tu la regardes des fois, et moi j'attends juste ce moment-là pour se permettre comme eux là. Ah, tu deviens sale. Et ces bâtards, des fois ils mettent la pub, et genre ils te mettent camshot ou je sais pas trop quoi, et tu vois pas la fin. Et ça me frustre. Comment tu dis camshot? Je sais pas, ils mettent un truc camshot, camshot. Camshot. Et t'enlèves tout. Et ça m'énerve. Et c'est ce truc-là, en fait, quand je peux le faire en vrai. Bah, ça me défrustre totalement. Ah d'accord, ok. Oui, je pense qu'il faut que la partenaire soit consentante. C'est-à-dire qu'effectivement, si le mec te fait ça alors que t'es pas prévenu, t'as pas envie et t'aimes pas ça, c'est pas très cool. Maintenant, c'est des choses dont on parle avant ou pendant à la rigueur. Tu demandes l'autorisation et puis toi, t'as le droit de dire non. Mais effectivement, on rentre dans le jeu domination, soumission. C'est un jeu, c'est ça, encore une fois. C'est un jeu. Il faut que les deux veuillent participer. Absolument. Méloche, t'as déjà fait des éjac-faces? Pas moi, mais mon ex, du coup. Ouais. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que j'avais mal fermé l'œil et je me le suis pris dans l'œil. Ah oui, mais ça c'est m'a un des dangers. Ça m'a brûlé, hein. C'était affreux. Ça t'a brûlé les yeux. Ouais, ça m'a brûlé les yeux. T'as pas renouvelé l'expérience? Non, non, du tout. D'accord, et bien, ce soir, je t'ai dit, il y a une surprise. Je peux renouveler. Restez bien avec nous, les amis. Tout peut arriver dans cette émission. Roxane, ce qu'il y a de cool dans ton histoire, c'est que tu peux dire non et t'es plus obligée de le faire. Hein. C'est ça, Roxane? Oui, bah, je me sens pas. Je me sens pas bloquée de dire non. Hein. Après, je propose autre chose. Alors, je peux avaler et laisser dégouliner si tu veux. C'est génial, ça. Alors, si tu veux, je te propose l'option dégoulinage. Genre, je te suis, je te pompe, j'avale tout et ensuite, je crache. Mais tu peux le faire aussi sur la joue, tu peux le faire dans les cheveux. À partir du moment où c'est toi qui choisis, tu dis tiens, bah, tu vas le faire là. Voilà, mais c'est toi qui choisis. Voilà. Ça t'est déjà arrivé, Roxane, genre bah t'avales et puis en fait t'avales pas vraiment, tu gardes tout dans la bouche et après tu roules une grosse pelle à ton mec. Hein? Surprise. Non. Mais, bah, et ça, non, c'est... parce que comme ça c'est une question de consentement en fait. Non, mais faites ça les filles. Faites ça si le mec vous prévient pas. Hein? Vous faites ça, vous gardez tout et vous le fouillez tout. Mais bien sûr, Alice, t'as déjà fait ça toi? Non, pas. Non, moi je le prends dans la bouche et après je lui crache sur le ventre. Non, mais je l'ai jamais mis dans sa bouche à lui, mais je l'ai déjà craché sur lui, tu vois. Et quand tu te relèves un peu et que t'es à, je sais pas, 60 cm, 1 mètre, quand tu craches, ça fait quelque chose. Hein. Ah bah c'est une flaque. Ah ouais, c'est une flaque de sperme. Bienvenue dans le Vin Fun, il est 22h35. Oui, nous parlons de flaque de sperme parce qu'ici on parle de tout, sans tabou. Benjamin est avec nous, 19 ans de Caen. Salut Benjamin! Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Benjamin. Dans un instant, tu vas nous dire ce qui te dégoûte sexuellement. Morgane aussi, notre auditrice du soir. Morgane, t'es là? Oui, mais bien sûr que je suis là. Morgane, tu vas nous dire ce qui te dégoûte aussi sexuellement? Bah ouais, carrément. Bah vous bougez pas et puis on prendra des nouvelles d'un sexy chocolat d'ici quelques minutes sur Fun Radio. L'examen aussi, ça arrive. Et voici Black Coffee, Drive, Fun Radio. Strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So Black Coffee sur Fun Radio. De 22h à minuit. Lovin Fun. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi. Venez hein, vous exprimer ici. Vous pouvez tout dire. Hein. Lâchez-vous. Le numéro de téléphone 01 42 48 5000. On parle de ce qui vous dégoûte sexuellement. On a eu Roxane qui n'aimait pas les éjacs face. Comme elle nous l'a dit si bien, je préfère avaler et que ça dégouline de partout. Hein, Alice nous a dit qu'elle aimait cracher sur le ventre de son partenaire avec tout le matos. Et Benjamin nous rejoint, 19 ans de Caen. Bonsoir Benjamin. Salut tout le monde, salut, salut l'équipe. Salut, salut, salut Benjamin. T'as déjà fait l'amour toi? Ah oui. Ah oui, avec qui? Bah avec ma femme. Ah, t'es marié à 19 ans toi? Non, je suis pas encore marié, bientôt. Ah, tu vas te marier à 19 ans, putain c'est super jeune. Ouais, on parle. Ah, tu veux faire une connerie, Benjamin. Oh. Pourquoi se marier si jeune? Je pense pas. Pourquoi se marier si jeune, Benjamin? Pour être sûr qu'elle parte. Je sais pas, parce que je l'aime et ouais. Puis c'est tout. Mais tu peux aimer quelqu'un et attendre un petit peu. Non, mais c'est leur choix. Hein. Oui, non, c'est mais... ça, il le sent comme c'est... ça, il le sent comme ça. Hein. Ça fait déjà 4 ans et demi que je suis avec. Ah ouais, carrément. Ça veut dire qu'elle a connu que toi. Voilà, c'est ça. Ah ben, un jour, elle aura envie d'aller voir ailleurs. Ah je Benjamin. Porte pas la poisse. Ah mais je te porte pas la poisse, je te dis juste ce qui se passe dans 90% des cas. Alors Benjamin, non mais alors, franchement moi tout ce que je te souhaite c'est tout le bonheur du monde et si t'as envie de te marier sois heureux avec elle. Benjamin, ouais, tu veux nous dire ce qui te dégoûte sexuellement en tout cas? On veut alors, tout savoir. Bah, ce qui me dégoûte sexuellement en fait, bah justement avec ma femme, il y a peut-être un mois et demi, deux mois. Ouais. On était partis en Java un samedi soir. Oh dis donc, on part en Java, allez hop là. Et en rentrant, bah, sur le coup, bah, on a commencé à chauffer avec ma femme tout seul dans le lit. Et je sais pas ce qu'il y a pris. Elle est partie dans la cuisine. Ouais. Mais sauf qu'après, elle a commencé à me mettre du lubrifiant sur les fesses. Mais j'avais pas vu ce qu'elle avait pris. En fait, elle avait pris une carotte et elle a commencé à me le mettre dans les fesses. Tu sais quoi, ne la quitte pas. Reste avec elle. Elle a l'air funky, ta meuf. Elle t'a mis une carotte dans le cul, c'est ça? Oui, elle a voulu me mettre une carotte dans le cul. Mais non. C'est génial. Mais elle t'a prévenu avant? Non, elle m'a pas prévenu parce que, en fait, je les ai pas non plus en état. D'accord. Bah, t'as essayé la Java. Le coup, c'est quand ça a commencé à rentrer dedans, bah, j'ai dit qu'est-ce que tu voulais. Ouais, et t'as commencé à kiffer, hein? Non, pas du tout. Non? Ah, t'as serré les fesses. Ah, t'as cassé la carotte. Oui, j'ai même fait la gueule pendant une semaine et demie. Ah ouais, putain, à cause de ça. J'ai pas mangé de carotte. Putain, ah ouais, non, tu m'étonnes. C'est dangereux de prendre une carotte dans le cul? Bah, quand c'est fait délicatement, non, mais comme là, il avait pas envie, s'il serre très très fort, le sphincter anal, c'est un muscle qui est très très puissant. Donc, bien sûr, Doc. Ah oui, non, mais bien sûr. Donc, il fallait que je le raconte. Oui, ah bah oui, mais elle. Là, est-ce que des fois elle joue avec ton anus? Oui. Avec ses doigts, ouais. Avec la langue. Oui, avec ses doigts. Et ça va. Elle te met des doigts dans le cul et tout, quoi. Mais je pensais pas que ça allait aller à ce point-là. Ah bah oui, mais c'est tentant. Si elle y met des doigts des fois, c'est sûr qu'un jour elle a envie de passer à autre chose. Eh bah merci, Benjamin. On en sait un petit peu plus sur ta femme. Hein. Eh bah. Amusez-vous bien. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Ah bah surtout non. Pas dans cette émission, clairement. Au contraire, Benjamin. Voilà. Justement, quand j'ai vu le truc que vous avez mis sur Facebook, j'ai dit, je vais leur envoyer un message pour justement en parler. Moi, j'ai pas de honte à avoir, je m'en fiche. Hein. Eh bah t'as bien raison. Voilà, c'est bien. On va tous se mettre une carotte dans le cul en hommage à ta femme. En hommage à ma femme et puis en hommage à moi quand même. Ah bah bien sûr, toi qui as souffert, le martyr. Réalise. Et surtout en hommage à la carotte. Bien sûr, à une carotte qui nous a quitté trop tôt. Hein, voilà. Elle aurait pu servir à un petit lapin. Bah, c'est elle qui a le plus pris cher quand même dans l'histoire. Donc, Comment elle s'appelait la carotte? Vous avez eu le temps de lui donner un petit nom ou pas? Ah non, non, on n'a pas eu trop le temps. Eh ben on lui souhaite une bonne fin de vie à cette carotte. Dites-moi, est-ce que ça serait possible d'avoir un cadeau? Ouais, bien sûr. Et tu veux quoi? Alors attends, bouge pas, je vais aller me connecter sur Auchan. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai vu que vous offriez des sextoys. Ouais. Ah bah oui. J'aimerais bien me venger. D'accord. Ah bah on va t'offrir un gros sextoy alors. D'accord, sextoy Lilo pour toi Benjamin. Tu raccroches pas et on va accueillir Mickaël. Mickaël qui est avec nous. Bonsoir Mickaël. Salut toute l'équipe, ça va? Salut. Salut à toi Mickaël. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Qu'est-ce qui te dégoûte toi sexuellement? Bah voilà, en fait, j'avais mon ex qui, elle, était vraiment à vouloir essayer l'anulingus. Ouais. Au début, les cunis, bon, pourquoi pas, j'adore ça, donc oui. L'anulingus, beaucoup moins, en fait. C'est quoi un anulingus, Michael? Explique. Bah, en fait, lécher son sa rondelle, quoi. Lécher le pourtour de la rondelle pour la faire siffler. C'est vrai. Voilà. Mais c'était toi qui devais le faire, l'anulingus, voilà, ou le recevoir le faire, en fait. Ah, non, ok. Non, c'était le genre de lui faire. Puis un jour, j'ai voulu tenter, j'ai fait aller en apnée. Oh. Et ouais, on sait jamais. Et le remerciement que j'ai eu, c'est que ça l'a tellement stimulé, c'est qu'elle m'a lâché, enfin, m'a laissé une perle en pleine figure, en fait. Quoi? Elle t'a lâché un vieux pet dans la gueule? Oh là là! Elle m'a pétonné, quoi. Oh putain! Parce que, bah, tu vois, quand t'es un peu dans le noir, tu te demandes s'il y a juste l'odeur ou s'il y a quelque chose avec, toi, un petit cadeau avec. Ouais. Tu sais pas trop. Et, non, je vois, c'était plus que marquant. Donc, j'en suis ressorti, je suis sorti du lit, j'ai débrandé direct. Ah, je me suis dit, mais non, tu peux pas me faire un truc pareil. Mais... D'accord. Et t'avais une petite trace de caca sur le nez? Non, c'est bon. Non, heureusement. À l'horreur. Putain, t'as vécu ça comme tu un. Vois, tout le long de la semaine, dès qu'elle lâchait une perle sans le vouloir, à chaque fois, j'étais. Bon, j'avais pas la tête entre les cuisses, hein. Mais elle était. Je lui ai renvoyé ça, quoi. Elle était trop contente, elle. Ah bah oui. Ah bah, elle était gênée. Ouais, elle était gênée quand même. Mais. Ah. Mais ouais, non, j'étais carrément choqué, quoi. D'accord, donc t'es pas prêt de bouffer un cul de sitôt, quoi. Non, pas vraiment, j'étais baptisé, tu vois. Merci, Mickaël. Alors, c'est vrai que c'est le risque, hein, de l'anulingus, hein, la petite perlouse qui peut surgir à tout moment. Oui, mais une fois que ça a été fait sur elle, elle doit savoir comment faire pour pas que ça se reproduise, donc c'est dommage de passer à côté de ça. Ah, bah voilà, c'est une question d'apprentissage, c'est une mauvaise expérience, il faut pas qu'elle recommence la même chose. Tu vois, il faut remonter à cheval, comme dit Doc. C'est ça. Bien sûr, Mickaël, refais un anulingus. Donne-lui une deuxième chance, d'accord? Non, c'est mon ex, mais avec la nouvelle, par contre, ouais, non, j'ai pas spécialement envie de réitérer l'expérience. Eh ben, bon courage, en tout cas. Ça doit être dur de se relever d'un pec comme ça, directement au visage, hein? C'est très violent. Salut Mickaël, ciao. Salut à toi. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio. Dans un instant, nous allons prendre des nouvelles d'un sexy chocolat. Et vous adorez ça quand on rappelle justement ceux qui participent au sexy chocolat. Nicolas est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Karel, bonsoir Alice. Bonsoir Doc Passageau. Salut. Salut. Salut Nicolas, sois le bienvenu sur Fun Radio. Appelle le doc, tout simplement. Oui, c'est plus simple. Mais oui. Nicolas, on est content de te retrouver. Tu vas nous expliquer ce qu'il s'est passé après le sexy chocolat qu'on avait fait à l'antenne et qui avait mal tourné, hein, d'accord? Ok, ça marche. A tout de suite, restez bien avec nous. Des nouvelles de Nicolas. On réécoutera d'ailleurs une petite partie du sexy chocolat. Et on va revenir avec Drake et In My Feeling sur Fun Radio. A tout de suite. Cette semaine, votre mission est de jouer au double fun. Seuls les meilleurs des meilleurs gagneront le jeu le plus attendu. Call of Duty Black Ops 4. Go, go, go, go! Dès que vous entendez le double fun avec Calvin Harris et Dinoro mixé à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Gagnez votre PS4 plus le jeu Call of Duty Black Ops 4. La mission Double Fun, exclusivement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de perroquet. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight, Ice Tea, Fraise, Citron Vert en te disant « Salut, coco !» Oh, bête, tu kiffes. Nouveau Sunny Delight, Ice Tea. Drink Sunny and enjoy. Pour votre santé, bougez plus. Découvrez Remedy, le nouveau single d'Alesso. You are the remedy. Cette semaine, avec Alesso, gagnez votre enceinte connectée Alexa en jouant chez Bruno dans la radio à 6h30 sur Fun Radio. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui, et en plus je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans et profitez de 50 euros de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Restez connectés avec la famille Fun Radio. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top, you We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. S'il n'y a pas Love in Fun, il y a plein de solutions pour rester avec Love in Fun. Bien sûr, il y a le Snapchat, Love in Fun Radio, l'Instagram, Love in Fun, et puis la chaîne YouTube où on vous met régulièrement des vidéos de ce qui se passe justement dans cette émission. La dernière en date, c'est les vidéos porno qui nous ont choqués quand on était plus jeunes. Hein, et allez la voir jusqu'au bout avec la petite punchline de la fin, parce qu'à la fin, vous apprendrez quelle a été la vidéo qui a choqué un médecin. Doc. Hein, et je peux vous assurer, quand il a vu, il n'est pas resté la regarder très très longtemps. Ah, non, non. Hein, c'était le choc, hein, ouais. Doc, hein, bien sûr. Et tu sais pas si je m'en remettrai. Tu étais jeune. Hein, Oh, plus très quand même. Ah, plus très. Alors, même en étant plus très, oui, oui. Il a zappé direct, les amis. Hein, je vous le dis tout de suite. Allez mater nos vidéos sur YouTube, Love in Fun. Là, on va reprendre des petites news de Nicolas. Et ça fait bien plaisir d'avoir sur antenne, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, Nico, à la fin de l'émission, c'était pas foufou. Hein. Toi, t'as 23 ans, t'es à Tours. Et tu nous avais appelé pour faire ce qu'on appelle ici le sexy chocolat. C'est-à-dire que tu voulais tester ta meuf en direct sur Fun Radio, que je l'appelle en me faisant passer pour Denichon et pour lui dire qu'elle avait gagné des chocolats érotiques qu'elle pouvait offrir à la personne de son choix. C'est ça. Nicolas, pourquoi t'avais des doutes? Rappelle-nous ce qu'on va réécouter juste derrière, un petit peu. Les doutes que j'avais? Mais alors, tout simplement, à chaque fois que je voulais faire l'amour avec elle ou voir un tout petit peu plus, quoi, me repousser à chaque instant, quoi. Donc je commençais à me poser des questions, quoi, et puis par l'arrière, bah, mes doutes se sont confirmés, quoi. Se sont confirmés. On va réécouter ce qui s'était passé, et derrière tu vas nous dire la suite de cette histoire. Après cet appel en direct dans toute la France, on écoute le sexy chocolat, et là elle a été sacrément bien piégée. Écoutez. Ah, j'essaie de retrouver Denichon. Oh là là. Allô? Oui, allô, bonsoir, pourrais-je parler à Amandine? Oui, c'est moi. Allô, je vous entends pas bien, pourrais-je parler à Amandine, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Ah, je suis contente de vous avoir. Alors Amandine, excusez-moi de vous déranger là, parce que on termine ce soir à 23h, j'avais plus que 20 minutes pour vous appeler. J'ai pas eu le temps de fermer la boutique. Alors je vous appelle parce que vous avez gagné un cadeau. Je vous explique, en fait, nous on est la boutique Sexy Chocolat. Mais j'ai participé à rien, moi. Non, mais c'est normal. C'est un tirage au sort parmi parmi les habitants de Tours. C'est... D'accord. Oui, non mais vous inquiétez pas, je vous explique. Calmez-vous enfin. Ah oui. On est une chocolaterie. On est basé à Tours. Vous, c'est votre ville. C'est bien ça. Vous habitez à Tours. Oui, oui, bien sûr. Oui. Eh bien, ben, voilà. Eh ben peut-être que vous avez vu. On est installé dans la ville de Tours, dans le centre-ville. On est à côté de la boulangerie et la charcuterie en fait, qui fait l'angle. J'évite un petit peu tout ça parce que j'ai pris un peu de poids, donc pour résister à la tentation, j'évite un peu de me balader à côté de la boulangerie. Donc je vous ai pas vu, je suis désolée. Vous avez pris un petit peu de poids, vous êtes enceinte peut-être ? Non, bah, j'espère pas. Ah d'accord. Non, non. Non, je me permettais de vous poser cette question. Alors, vous inquiétez pas. En fait, les chocolats que je vais vous offrir, ils sont pas vraiment pour vous. En fait, vous avez été tiré au sort, voilà. On a fait un petit tirage au sort et on offre à quelques habitants de Tours et quelques habitantes de Tours des coffrets chocolat érotique à offrir à la personne de leur choix. C'est pour nous faire un petit peu de publicité. Hein, c'est notre patron, il est un petit peu dans la modernité. Il veut qu'on soit à fond sur les RS, les réseaux sociaux. Et du coup, bah, Amandine, la bonne nouvelle, c'est que vous avez été tiré au sort. Donc moi, si vous me donnez le prix de votre petite amie, de votre plan cul, de quelque chose, je me permettrai de lui envoyer un coffret chocolat avec un petit message à l'intérieur, hein, que vous allez me dicter. D'accord. Et ensuite, ça lui fera plaisir, c'est gratuit. Il y en a pour une centaine d'euros, hein, c'est gratuit, bien sûr. Ah oui, d'accord, donc ça vaut le coup, quoi. Ah bah bien sûr, il y a des choux kékettes, des chocolats pines, donc tout est à base de chocolat sensuel et érotique. D'accord. Vous avez un petit ami, quelqu'un qui je peux faire plaisir? Un petit ami en ce moment, c'est pas ça, donc je vais peut-être plutôt partir sur mon ex que je revois en douce, mais j'espère que enfin ça va rester ça sera discret. Vous inquiétez Thibaut. Pas. Ah si, comment Thibaut? Oui, Thibaut. D'accord, donc parce que vous avez quelqu'un en ce moment et là vous revoyez votre ex, c'est ça? Bah ouais, parce que je suis un petit peu délaissée, donc c'est pas facile, donc je cherche du réconfort. Puis bah mon ex est pas très loin, donc il est revenu à la charge et effectivement bah j'ai du mal à résister. Très bien. Bon bah écoutez, moi vous savez, nous on juge pas, hein. Vraiment. Ouais bah ouais. J'en ai entendu. Bah, je pensais pas, mais bon effectivement ça peut arriver malheureusement à tout moment. J'en ai entendu toute la journée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon responsable qui va prendre les coordonnées téléphoniques, d'accord, et le petit message. D'accord. Merci, c'est gentil. Je vous le passe. Bon courage, quoi, à cette heure-ci. Au revoir. Merci. Au revoir. Allô? Allô? Allô? Amandine? Oui. Oui, c'est Nicolas. Oui. C'est Nicolas. Nicolas. Trois ans ensemble. Mais chaton, tu fais quoi, là? Pourquoi je sais pas, mais tu te fous de ma gueule, en fait. En fait, j'avais vraiment bien raison. Je comprends pas. Trois mois que je couche plus avec toi, que tu me repousses sans arrêt. Bah, tu vois. T'es jamais là aussi, faut dire. Je suis jamais là. T'es au courant de quoi là en fait? En fait, je suis au courant que tu vois Thibaut, ton ex en fait, que tu couches avec lui. Ah d'accord. Bah ouais. En fait, t'es vraiment une salope en fait. C'est juste le mot qui m'est arrivé. Tu viens me parler comme ça, s'il te plaît. Bah non, il y a pas de parler comme ça, excuse-moi. Bah si, t'es une salope en fait. Nicolas, Amandine, il faut expliquer quelque chose. Oui. C'est Nicolas qui nous a appelé. Tu es en direct sur Fun Radio, Amandine, et tu viens de te faire piéger dans le sexy chocolat. Ah. Est-ce que vous êtes un petit peu calmés tous les deux? Non. Pas du tout. D'accord. Alors. Non, mais t'as pas entendu comment il m'a parlé, sérieux. Alors, Amandine. Oh, arrête ton short, connasse. Oh, c'est bon. Oh là là. Alors, les insultes, ça sert à rien. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là? Non, mais moi j'ai des circonstances atténuantes, je pense quand même. Alors, Amandine, on a eu la version de Nicolas qui nous a expliqué que depuis 3 mois il se passait plus rien, qu'il essayait de venir vers toi et que toi tu le repoussais tout le temps, il y avait pas de libido, pas d'envie. Et toi, Amandine, quand je t'ai parlé tout à l'heure au téléphone, puisque j'étais de nichon et que je t'ai piégé, j'en suis désolé, vraiment, Amandine, mais je l'ai fait pour Nicolas. Tu nous as dit que voilà, cette personne qui était ton ex, c'était quelqu'un avec qui tu avais renoué des liens. Tu peux nous en dire plus? En fait, le problème, c'est que Nico, il est très souvent absent. Quand il est là, c'est comme s'il n'était pas là, parce que entre aller voir les potes, le foot, je deviens transparente. Alors oui, des fois, il a envie de moi, mais tellement rarement que bah, moi, j'ai pas envie, que c'est pas forcément le moment. En fait, tu veux, tu commences à te renfermer, etc. Puis ben, malheureusement, il y a Thibaut qui est revenu gentiment vers moi. Donc, et puis comme c'était un super coup, c'est vrai que c'est un petit peu dur de résister. Donc, Attends, c'est ça ton excuse. Comment ça, c'est un super coup? Et moi, je suis quoi? Je suis qu'une merde rangée au fond du casier. Bah, attends, quand ça dure 3 minutes, excuse-moi. Hein, 3 minutes, arrête, garçon. Arrête un peu tes conneries. Bah ouais, tu vois, bah tu m'affiches à l'antenne devant des millions de gens. Bah, un peu normal, je t'affiche. Bah voilà. Mais c'est qui joue la salope? Mais tu pouvais pas. Mais je suis jamais là. Non, mais tu pouvais pas m'en parler à la maison. Amandine. Tu pouvais pas m'en parler à moi, oui. Oui. Est-ce que Thibaut, bon, en gros, tu t'amuses avec parce que tu dis que t'es délaissé? Ouais. Ou il y a plus que ça? Ben, pas trop. Ben, déjà, je pense que premièrement, ouais, c'est d'être délaissé. Hein. C'est comme une plante, hein, quand tu la roses plus, elle fane. Hein. Wow, c'était chaud. Hein. Franchement, c'était chaud ce qui s'était passé. Nicolas, quand tu réécoutes... Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et ça, ouais, fait, ça, ouais, fait ça, fait, ça doit faire mal au cul hein, aussi, hein, franchement. Ouais, ça fait mal au cul aussi, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'appel? Alors, donc, tu l'as rappelé, vous êtes expliqué. Donc du coup, bah au téléphone, pas de dialogue, rien du tout. Ouais. Donc, elle m'a juste trouvé l'excuse, en gros, que quand elle se mettait en fait nue devant moi, quand je suis sur le canapé, que je n'allais pas vers elle. Donc, je m'en ai pris plein quand même dans ma gueule, quoi. Donc, je lui ai juste sorti, t'avais qu'à tracer la chatte. Après, on verra. Oh là là. Ouais. Donc, elle m'a calmé, elle a raccroché. Donc, moi, j'ai fini ma garde à Paris. Donc, je suis redescendu. Et j'arrive à l'appartement, personne. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire ses valises. Donc, j'ai fait ses valises. Et là, dans la salle de bain, tu tombes sur un test de grossesse positif. C'est-à-dire, elle était enceinte de toi ou du... Non, pas de moi, non, de son Thibaut. Elle t'a laissé le test de grossesse? C'est ça, dans la poubelle, dans la salle de bain, quoi. Oh, c'est pas anodin, le truc, elle voulait que tu saches. Oui. Bah, je sais pas, mais bon, j'ai trouvé ça petit, quoi. Donc, j'ai fait ses valises, j'ai pris des sacs poubelles, des sacs de congélation, et puis j'ai tout mis ça dedans, dans le palier, quoi. D'accord, j'ai eu peur avec les sacs de congélation. Non, parce que... Ouais. Il y a eu des histoires comme ça. Non, quand même pas, non. Bien sûr, Nicolas. Et donc, j'ai appris par des copains, quoi, du coup, ouais, qu'elle habite bien avec Thibaut, quoi. D'accord, donc elle est retournée avec son ex. Exactement. Comment tu vis ça, Nico, aujourd'hui, là? Est-ce que t'es pas un peu soulagé, finalement? D'un côté, oui, parce que du coup, tu te dis, bah, en fin de compte, bah, c'était pas la bonne personne, elle se foutait de ta gueule vraiment, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, tu dis, ça fait quand même un petit moment que j'étais avec elle, quand même. Donc, ça fait quand même un peu... Ne rien regretter, hein, et ça fait partie des, voilà, vous avez sûrement vécu de beaux moments ensemble, et quand c'est fini... Il faut du temps pour apprendre à connaître les gens, hein. Parfois on est surpris même 10 ans, 20 ans après, il y a des secrets. Voilà, on apprend à connaître quelqu'un, c'est vrai. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être lourd comme ça l'est pour toi, mais il faut que tu en apprennes quelque chose sur la prochaine relation que tu auras. Apprendre de ses échecs, bah, hein, c'est ça, Doc. Tout à fait. Oui, non, voilà, bien sûr. Profite. T'as tout ton temps. Profite de la vie. Profite de la vie. Des fois, tu sais, ça arrive sans qu'on le veuille. Hein, donc, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Nico, écoute, ouais, nous, on te souhaite le meilleur vraiment pour la suite et de rencontrer une nana avec qui ça se passera mieux. Il n'y aura plus de tromperie. On n'est jamais sûr de rien, mais c'est vrai que quand on tombe amoureux, bah, on a envie de tenter. Quoi. On a envie de tenter. On est à fond et parfois on est déçu. C'est aussi le jeu de l'amour, j'ai envie de dire. C'est ça. Et au moins, là, tu peux passer à autre chose maintenant. Exactement. Bah, je te remercie quand même à toi, Karim. Comme grâce à toi. Ah bah oui, alors tu sais, moi je le vis moyennement, hein, des fois, hein, je te le cache pas, parce que je suis fait de nichons et tout, donc je prends pas ma voix et tout machin, mais des fois franchement je préfère qu'on s'attrompe pas, quoi. Est-ce que on se met à votre place et enfin voilà, c'est jamais évident, et c'est aussi pour ça qu'on vous prévient à chaque fois de vous attendre au pire en espérant qu'il y aura le meilleur, quoi. Et là, là Nico, franchement, ne me remercie pas. Hein, remercie-toi et remercie la vie qui va t'offrir, j'en suis sûr, bientôt une nouvelle personne. D'accord ? Belle fleur, comme on dit. Et une belle petite fleur. Gros bisous, Nico. Je te remercie. Bisous à vous. Ciao. Salut. Bisous, ciao, salut. Gros bisous. Et on va jouer dans un instant. Isola, nos candidats de l'examen. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas. Oh, bah oui. Oh, mais Jonathan. Jonathan. Ouais, je suis là. Ouais, bah, percute, Jonathan. Bah ouais, mais j'avais plus de réseau. Et alors, tu crois que c'est mon problème? Hein? Ah bah attends, Jonathan, alors on va expliquer à Coco du standard que Jonathan, ça ne s'écrit pas comme tu l'as écrit. Voilà. Ah merde. Donc là, il a écrit J-O-H-N-A-T-H-A-N. John Nathan. J-O-N-A-T-H-A-N. Bien sûr. Toi, t'es de Pontarlier. Ce soir, tu seras opposé à Miguel, 18 ans de Paris. Bonsoir, Miguel. Salut, Kéré. Salut, toute l'équipe. Salut, Miguel. Préparez bien vos buzzers dans un instant. 10 questions pour vous. Vous pourrez jouer, vous aussi, où vous soyez, quoi que vous fassiez. N'hésitez pas à nous appeler en participant à l'émission. On va réaliser le rêve de Méloche ce soir pour son anniversaire, ses 25 ans. Et là, maintenant, voici Drake, In My Feelings. Remix Fun Radio. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, baby. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. I need you, that I'm down for you always. Still to real me, I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I think you shop, spin it like you earned it. And when you popped off on your ex, you deserved it. I thought you were the one from the jump and confirm it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Run the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches, they be kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the cold to the state. Cold to the state, cold, cold to the state. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Sur Fun Radio. Apéro surprise. Passe ton examen dans Lovin Fun sur Fun Radio. C'est l'examen tous les soirs, un nouveau diplôme, ça va partir ce soir peut-être à Pontarlier. Bonsoir Jonathan. Ouais, salut à toute l'équipe, ça va bien. Ça va bien. Jonathan, on te sent motivé. T'as envie de l'avoir ce diplôme, hein? Ah ouais. Ah, ce sera quoi ton buzzer quand tu penseras avoir la bonne réponse? Alors moi, ce sera Enleleu. Enleleu. Très bien. Et ce soir, tu seras opposé à la ville de Paris, tu seras opposé à Miguel. Il a 18 ans. Bonsoir Miguel. Salut toute l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Miguel, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ce sera quoi ton buzzer, toi? Moi, c'est tout simplement couille. Couille. Jonathan, est-ce que t'entends ça? C'est le bruit de mes couilles qui tapent sur ton cul quand je suis dans le. T'as pété un câble. Il est génial. Le bruit de mes couilles qui tapent sur son cul en mille. Eh ben. Eh ben, dis donc, Miguel, hein. Ah, toi, tu dois te branler pas mal. Hein, toi, tu dois être un sacré branleur. Miguel, ce soir, qui va faire claquer ses couilles pour buzzer face à Jonathan qui nous dira en le-le. Il y a 10 questions. Attention, je prends les questions. Diplôme à gagner, pack Love in Fun. Et première question. Vous aussi jouez à la maison, bien sûr. Jouez dans votre voiture, peut-être au travail. Participez également, de près ou de loin, à cette nouvelle exam. Première question, citez-moi une position sexuelle. Oui, Jonathan. La levrette. La levrette, bonne position sexuelle, absolument. Il y en a bien d'autres. La brouette thaïlandaise, bien sûr. Et également l'Andromaque. L'Andromaque, le missionnaire, la table déchaînée. Et bien d'autres. Bien sûr, Alice, une petite position. Le cheval à bascule. Oh, attention. Alors attention, faut être athlétique. Je te le dis. Il faut avoir fait 2 ans de GRS à peu près pour pouvoir maîtriser cette petite position. Nouvelle question, vrai ou faux? Un homme sur 20 millions naît sans pénis. Couille, Miguel. Vrai. Bonne réponse. Bravo, Miguel. Ça fait un partout. Nouvelle question. Donnez-moi le nom de 3 présidents de la République française. Couille. Oui, d'abord, c'est Miguel. Alors, Macron, Mitterrand, François Hollande. François Hollande, c'est vrai, il a été président de la République. On s'en souvenait même. Tu l'as oublié dans ta liste. Alors, mais c'est vrai, je ne l'avais même pas mis. Bon, après, voilà, on ne fait pas de politique ici. On continue. Le record le plus long. Non, attendez, je m'y perds. Le record du plus long jet de sperme s'élève à 3 propositions. Record du plus long jet de sperme, 3 mètres. 5 mètres, 6 mètres. Couille. Ah, couille, t'es rapide, toi, Miguel. Hein. Vas-y, fais claquer tes couilles, donne-nous ta réponse. 6. 6 mètres, et bonne réponse. Oh là là. Fort. C'est Art Schulz qui a une passion, expédier sa semence à l'autre bout de son appartement. Et son record a été homologué. Voilà, et une quantité substantielle de liquide séminal doit être enregistrée hein, pour valider ce record. C'est très sérieux. Et il a validé un record d'un jet de 6 mètres, soit la longueur d'un camping-car moyen. Et ça, franchement, ça mérite des applaudissements. Bravo, Art Schulz, qui ne nous écoute pas ce soir. Vrai ou faux, certains Américains lavent et réutilisent leur préservatif usagé. Couille, Miguel. Vrai. Bonne réponse, bien sûr que c'est vrai. Combien font 12 moins 4 plus 1? Miguel. Ouais, vas-y, Miguel, non, t'as pas buzzé. Jonathan, tu peux buzzer. Couille. Jonathan. 9. 9, bravo, Jonathan. Tu vois, Miguel, tu t'es précipité, t'as oublié ton claquement de couille. Tu t'es fait subtiliser ta place. On y va pour une nouvelle question. Complétez cette expression bretonne. En Bretagne, il ne pleut. Oui, vas-y, Jonathan. En Bretagne, il ne pleut jamais. C'est pas ça, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Miguel? Que sur les comptes. Bravo, putain. Oh. Hey Miguel, qu'est-ce qui se passe? T'as vu mes questions de l'examen ou quoi? Oui, c'est ça, hey, non, mais attends, j'ai l'impression qu'il y a eu tricherie au standard. Coco, comment c'est possible que Miguel connaisse toutes les réponses? Parce que c'est un champion le mec, il n'a pas vu les réponses. Et continue comme ça Miguel, tu vas faire le super champion là bientôt qu'on va organiser. Hein. Je rappelle qu'il y aura l'examen des super champions. Bien sûr, on va monter ce truc là, ça va passer à la télé, je vous le dis. Hein. On y va, nouvelle question avec une question de culture générale. Qu'est-ce qu'une golden shower? Couille, ça t'est rapide Miguel aussi hein, pour expliquer. Alors, c'est quoi une golden shower? C'est quand quelqu'un pisse sur quelqu'un d'autre. Absolument, absolument. Et le faire sous la douche dorée. Souvent mieux, tout à fait. La douche dorée, comme on dit. Bravo. Épeler le mot périnée. Vas-y, Jonathan. P-E-R-I-N-E-E. Bravo. Putain, elle est pas facile, hein. Non. Putain, je pensais le piéger. Ce serait pas le combat des super champions ce soir? Non, mais attendez, il n'a pas du tout épelé ça, hein. Ah bon? Il a dit P-E-T-E-R. Non. Attends, il a commencé par P-E-T. Non, il a dit P-E-E. Ah, ok. Je suis P-E-T-E. C'est pas du tout ça. Bon, et Jonathan, de toute façon, c'est mon jeu, je te le valide. Hein. De toute façon, il t'en faudra plus pour gagner. T'es encore bien loin, Jonathan. Tain, Alice, enfin, me fais un petit récap des points avant la dernière question, Alice. Eh ben, 6 pour Miguel et 3 pour Jonathan. Voilà, c'est la question pour la gloire. Il est possible de perdre sa virginité 2 fois, vrai ou faux? Oui, vas-y, Jonathan. Ouais.

dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Cause I need a green light. Day and night, say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. J'adore ce son, quand je l'entends, je me sens beau gosse. C'était Calvin Harris sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Ah, c'est vrai, il y a des sons comme ça, tu les entends, je sais pas, ça te donne une espèce de confiance en toi et tout, et t'as l'impression d'être. C'est comme quand tu ouvres la fenêtre de ta caisse et tout, et que tu commences à mettre le bras un petit peu, hein, on est bien sur Fun Radio. On vient de souffler les bougies de Méloche. Enfin, Méloche a soufflé ses bougies, il y en avait 25 puisqu'elle a 25 ans. Dans un instant, il y aura une surprise pour Méloche à l'antenne. Il faudra vous connecter sur le site de funradio.fr pour voir l'émission en streaming parce qu'il y aura ce qu'on appelle quelque chose de visuel. Hein, on n'en dit pas plus, mais il va se passer des choses dans ce studio. Restez bien avec nous. En attendant, on parle de somnambulisme. Et tout le monde a une histoire avec un somnambule. J'ai l'impression, la France nous appelle ce soir. Morgane, notre auditrice du soir, est avec nous. Morgane, tu as eu une expérience, toi, avec un somnambule, une somnambule ? Tout à fait. Mais avant ça, je tiens à dire que c'est pas étonnant que tu sois célibataire, vu comment tu délaisses les femmes. J'étais en train de m'endormir, mon cher Carrel. Pourquoi tu me dis ça, Morgane ? C'est pas de ma faute, Morgane. Je t'assure. C'est Coco qui m'a dit, la prends pas trop parce qu'elle m'énerve, elle m'agace, elle écoute pas ce que je lui dis. C'est pour ça. Juste que Corentin me susurre comme Modou en dehors de l'antenne, je pense que c'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire, je vais te dire un truc, Morgane. C'est pas vraiment moi qui décide qui passe à l'antenne. C'est Coco qui appuie sur les boutons. Moi, je ne fais que prendre les auditeurs. Il te la met bien à l'envers, ton Coco. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui qui se fout de ta gueule et il me fout tout sur le dos. Te garder à antenne peut-être. Ça m'étonne pas de cette enflure, hein, qui vient de terminer sa dernière émission ce soir. Gaëtan est avec nous. Il a 26 ans, il est de Lille. Gaëtan, tu es somnambule, toi, tu pratiques la somnambulie, hein? Bonsoir, petite équipe. Bonsoir, allez, bonsoir, ouais, Gaëtan. Non, c'était dans ma jeunesse, en fait. C'est-à-dire par exemple, je suis rentré dans la chambre de mon frère, je suis monté sur la tête de lit, donc là encore c'était les vieux lits très hauts, et en gros j'étais droit comme un piquet en train de le regarder, et du coup il a dû appeler ma mère en hurlant parce que j'étais en train de menacer de le défoncer, de le tuer. Mais non. Si. Du coup, ma mère, elle est venue dans la chambre et elle m'a dit, bon bah écoute, on verra ça demain, vas-y descends. Putain. Et le pire, c'est qu'elle me raconte ça le lendemain, mais je m'en souviens de rien du tout, quoi. Ouais, c'est souvent ça, en fait. Tu fais des trucs, tu te souviens de rien du tout, quoi. Est-ce que c'est dangereux de réveiller quelqu'un qui est somnambule? Pas du tout. C'est ce qui a traîné pendant très longtemps. On a dit, faut jamais faire ça, c'est dangereux pour eux. Mais en fait, pas du tout. Tu peux réveiller quelqu'un, ça pose aucun problème. Ah ouais. Il est dans un rêve, hein. Il est dans un rêve. Donc c'est comme si tu réveilles quelqu'un dans un rêve. Ah ouais, c'est ça, en fait, oui, juste non, ça. C'est des conneries qu'on nous raconte depuis des années. Donc complètement. Non, parce qu'une fois, moi, j'étais avec quelqu'un qui était somnambule. Bon, la personne était au deuxième étage. Elle était face au vide. Et puis, j'ai eu peur de la réveiller, donc j'ai préféré la laisser sauter. Mais si j'avais su, j'aurais peut-être pu lui sauver la vie. C'est quand même ballot, hein, cette histoire. Hein. Gaëtan, ça t'arrive de temps en temps ou pas? Ça m'est arrivé, c'est souvent par période de stress ou quand il y a un truc dans la journée qui va pas, mais sinon, depuis, j'en ai plus. J'ai même été dans la chambre de mes parents pour menacer mon père et tout ça, avec ma copine, je me suis mis au-dessus d'elle en train de la regarder, flippant. En train de dire, tu vas voir, je vais te défoncer aussi. C'est malade! Ah oui, t'as fait ça avec toute ta famille, en fait. Tu vas loin. Exactement, en fait, je suis un malade. Est-ce qu'un somnambule peut prendre un couteau et tuer quelqu'un? En théorie, ça devrait être possible. Hein. En théorie, ça devrait être possible. Maintenant, est-ce que tu prends des couteaux dans un rêve? Tu vois, tu fais plutôt des choses qui sont complètement aberrantes et qui n'ont pas vraiment de lien avec la réalité. Donc, prendre un couteau, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça voudrait dire que tu te souviens d'où est. Et que t'as déjà ce genre de pensée un peu chelou, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, c'est sympa. Et tout le monde peut être somnambule, Doc? Oui. Alors, il y a des familles de somnambules. D'accord. Il y a une petite question génétique. C'est évidemment plus fréquent chez les enfants. C'est 7 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Mais tout ça étant petit, on estime qu'il y a pratiquement 10% des enfants qui peuvent être somnambules, mais il n'y a que 2% des adultes qui le sont. Mais ça pose pas de gros problèmes habituellement, sauf si ça prend beaucoup d'ampleur, que c'est toutes les nuits, que ça devient dérangeant, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il faut consulter. Ah bien sûr, Gaëtan, tu restes avec nous parce que tu n'es pas le seul somnambule. Léa est avec nous, elle a 20 ans, elle est de Bordeaux. Bonsoir Léa. Bonsoir Karel, mais je ne suis pas de Bordeaux, je suis de Saint-Brieuc quand même. Je suis vraiment désolé Léa, mais bon, c'est Coco qui travaille très très mal en ce moment. J'ai beau lui répéter tous les jours de s'améliorer, il m'a mis Bordeaux. Comment vas-tu Léa de Saint-Brieuc? De Saint-Brieuc. Eh ben écoute, on se connaît déjà Karel. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, on avait fait une soirée pour ton anniversaire dans une villa à Saint-Brieuc. Oui, quelque chose, t'es blonde. T'es venue avec ta mère, je me souviens bien. Oui, je suis venue avec ma mère. Ah ouais. T'es mis une fois dans le studio. Oui, exact. Et ce soir-là, tu m'avais fait une pipe. Et elle avait même chanté dans le studio. T'étais venue une fois faire l'auditrice du soir dans le studio et t'avais chanté. Ah oui, c'était après que tu m'avais fait la pipe. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Non, je plaisante. En même temps, ça, je me doute. Léa, avec grand plaisir. Super cool de t'avoir. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci. Mais vous, ça va? T'es somnambule? Ouais, ça va bien. T'es somnambule, toi? Et non, c'était mon ex qui était somnambule. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois en pleine nuit, en fait, il s'est réveillé. Et il a été dans le bureau en face. Il a commencé à caresser sa lampe en prononçant le prénom de son ex, donc qui s'appelait Marie. Mais non. En disant, oui, Marie, tu me manques, je sais que t'as bien les papous sur les bras. Donc, il prenait la lampe pour les bras de son ex. Et puis après, il fantasmait sur son ex, en fait. Putain. Donc, oui, j'invite toi, ça. Puis, il y avait déjà des doutes dans le couple. Donc, ça, plus ça, du coup, ça fait un peu une accumulation des choses, du coup. Ah mais toi, tu vois ça et comment tu réagis là? T'as envie de le réveiller, non? Tu sais que il est 1h du matin. Moi, clairement, j'étais crevée. Donc, j'ai continué à dormir. Donc, lui, c'est un bon dormeur. Mais le lendemain, j'ai pris mes bagages, mes trucs et mes claques. Je suis partie. Lui m'a appelée. Mais voilà, puis je lui ai expliqué les choses et qu'il était hors de question. Les doutes plus ça, ça faisait beaucoup, quoi. Ah oui, non, c'est un délire. Il n'a pas dû comprendre sur le coup, parce que comme les somnambules ne se rappellent absolument pas de ce dont ils ont rêvé et ce qu'ils ont fait pendant le somnambulisme, ça a dû lui paraître bizarre sur le moment. Ah ouais, mais c'est ça. Oui, c'est sûr. Ah ouais, bon, après, un rêve est un rêve. Hein. Ça vient exprimer des choses, ça ne veut pas dire qu'on en a envie sur le moment. C'est ton inconscient qui vient exprimer des parts de ton inconscient. Donc bon. Bah, bien sûr. Bon, maintenant, il y avait des doutes ailleurs. Et Léa, t'as retrouvé l'amour depuis là, Léa? Oui, j'espère. Ça veut dire, t'as un mec ou pas là en ce moment là? On va dire c'est le début. Ah ben, on te souhaite un bon début, vraiment. Merci. Reste avec nous Léa, notre auditrice du soir que j'ai délaissée toute la soirée. Morgane? Oui. Morgane, t'as vécu une expérience de somnambulisme? Eh bien, je suis somnambule. Tu es somnambule? J'ai fait des choses, tout à fait, j'ai fait des choses un peu what the fuck. Ouais, what is it? Comme, voilà, c'est ça, comme réveiller mon ex en hurlant « Mon armure !» Mon armure ?« Mon armure !» Ok. Ah ouais, donc t'es perché quand même, Morgane. Hein? Je le secouais comme un prunier. Mais et non. J'insistais. Mon armure, passe-moi mon armure. J'étais à Games of Thrones. T'étais dans Games of Thrones, quoi. T'avais besoin de ton armure. Et non, en fait, on a regardé Iron Man avant de se coucher. Et dans ma tête, c'était l'armure d'Iron Man. Et ben voilà. Mais c'est comme disait Doc, c'est comme un rêve, quoi. Ah, mais complètement, c'est vraiment un rêve. Sauf que normalement, C'est que moi, je me vois faire les choses. Je me souviens de la scène, je me vois faire l'action et tout. Ah. Mais j'ai aucun contrôle sur moi, en fait. Ah oui, bah ça c'est plus rare quand même. Parce que normalement il y a de l'inhibition pendant le rêve, il y a de l'inhibition motrice qui fait qu'on peut pas agir le rêve. Voilà, chez les somnambules, il y a pas cette inhibition motrice qui font qu'ils font les mouvements du rêve. Mais normalement par définition, quand tu es dans un rêve, t'es pas éveillé. Eh oui, tu contrôles pas quoi, et tu contrôles pas non plus quand t'en as pas conscience. On a Cécile aussi, on va l'accueillir. Cécile, 25 ans de Nantes. Bonsoir Cécile. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut. Bonsoir Cécile, tu es somnambule ? Ouais, effectivement. Enfin, j'étais. Voilà. Ça s'est calmé heureusement. Ouais, et alors, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais somnambule ? Alors en fait, il y a 5 ans, il y avait une soirée chez une amie, je dormais chez elle. Voilà, à la fin de la soirée, je suis allée me coucher tranquillement dans mon lit. Et sauf que je me suis réveillée le lendemain en petite culotte dans un autre lit, dans une autre chambre, avec un mec à côté de moi. Waouh, trop cool. Mais non, mais c'est chaud. C'est pas très cool quand t'as un mec dans la vraie vie, non, c'est pas très très mais cool. Mais il s'est passé quelque chose? Donc justement, moi je l'ai réveillée comme une folle, j'ai dit qu'est-ce que tu fous là? Enfin, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis en culotte? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il s'était couché complètement torché. Il ne s'était même pas rendu compte que j'étais dans son lit. Ah, et heureusement. Heureusement, il s'est rien passé. Et je pense que ça m'a traumatisée parce que ça a été la dernière crise de somnambulisme que j'ai pu faire. Ah, ouais. Voilà, ça calme. Ah ouais, non, mais là, c'est ouf. Hein, c'est-à-dire, tu perds tellement le contrôle, quoi. Tu sais pas ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce que t'as fait pendant ton rêve, ça? Ça se trouve, on a tous fait des trucs, mais on le sait pas, quoi. Hein? Peut-être pour ça, des fois, que j'ai mal au cul. T'as regardé le bac à légumes? Pas beaucoup de légumes chez moi, mais t'as peut-être raison. J'ai faire une enquête. Cécile, merci beaucoup. Je remercie merci Léa également. C'était un plaisir de retrouver Léa. Léa, tu feras bientôt l'auditrice du soir? Ah, carrément. Et Karel, je peux faire une petite dédicace ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. En fait, je fais un concours Mister J Bretagne, en fait, justement. Ouais. Génial! Et donc, je leur fais un gros bisou. Ouais, l'élection va se tenir le 27 octobre, donc c'est bientôt. Donc, je leur fais un gros bisou. Le bisou est lancé. Et tu reviens quand tu veux, Léa. On embrasse fort aussi Gaëtan, Cécile. Morgane, elle reste avec nous. Dans un instant, on va faire la petite surprise pour Méloche. Hein? Hein, Méloche, ça va, Méloche? Je redoute. Ah, attends, tu redoutes quoi? Attends, il n'y a que du bonheur ici. Hein. Je te le dis tout de suite, Méloche, on met jamais les gens mal à l'aise. Sauf si on démarre ce soir avec toi, c'est vrai. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Dans un instant sur Fun Radio, on sera avec Marion, 24 ans, d'Amiens. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Salut, Marion. Salut. Ça va, Marion? Ça va, et vous? Oui, ça va, et toi? Ça va, tranquille. Ok, t'appelles pour quoi, Marion? Pour mon problème de femme fontaine. Ah d'accord, t'es une femme fontaine toi? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, et ben on va en parler dans un instant. Marion, femme fontaine, la surprise pour Méloche et Marshmello avec Happier sur Fun Radio. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think now we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I'm And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Mello sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Oh, regardez-moi ça, sans déconner. Tout le monde est là autour de la table et dès qu'il y a un gâteau, le Doc, il s'en va. Il s'en va, le mec. Sans déconner, Doc, viens ici. Anormal. Bon appétit, Doc. On est en train de se restaurer. Oui. Puisque nous fêtons l'anniversaire de Méloche. Alors, il va y avoir des surprises pour Méloche tout à l'heure. Moi, je vais te dire, Méloche, j'étais pas pour. J'étais pas pour parce que je pense que ça va te mettre mal à l'aise de revoir ton ex dans un instant sur Fun Radio. Je suis certaine que c'est pas lui. Ah bon, pourquoi ? On s'est quitté en très mauvais termes. Très bien. Eh bien, nous l'aurons au téléphone ce soir. T'imagines le. Attends, je regarde le LEA. Ce serait quoi le pire cadeau pour toi ce soir ? Lui au téléphone. Eh ben voilà. Encore une fois, Cassim a visé juste. Bravo. La confrontation. Non, parce que depuis que t'es sur Fun Radio, il nous a appelé, il nous a dit ouais. Voilà, je regrette tout. Il se branle sur les photos Insta et tout. Hein. C'est ça. Et il vient ce soir te présenter sa nouvelle meuf. Voilà, c'est ça. Tu t'imagines l'anniversaire cauchemar. Non, t'inquiète pas, Méloche, c'est que du bonheur. Dans un instant, ce qui t'attend. Alors, on lui a donné ses cadeaux ou pas ? Pas encore. Est-ce qu'on a acheté ses cadeaux déjà ? Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va accueillir Marion qui est avec nous. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Salut. Marion. Marion, tu peux parler bien dans le téléphone ? Ouais, attends. Là, ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Super. Normalement, c'est Coco. Enfin, tu vois, ça doit être son travail, normalement, tu vois, de faire en sorte qu'on t'entende bien. Mais bon, comme c'est quelqu'un qui débute encore, et je sais que son père l'écoute ce soir, donc j'encourage. Mais il a encore des petites choses à faire et pour progresser. Alors, Marion, tu es femme fontaine. Voilà. Ah, déjà, je te félicite. Ah, parce que. Non, là, c'est vrai. Moi j'ai fait la rencontre d'une femme fontaine et ça a été un choc comme une révélation. Tu sais, ce petit geyser, hein, cette espèce d'effervescence, cette éjaculation féminine, hein, c'est ça, Doc, une femme fontaine quelque part. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment de l'éjaculation au sens où c'est pas le même liquide. Voilà. Oui, mais après oui, c'est pendant un orgasme, c'est une émission d'urine. Voilà. Ça, alors, maintenant, on le sait, c'est prouvé scientifiquement. Tout à fait. Alors ça, c'est ça. Si vous ne le saviez pas, une femme fontaine, quand elle. Et c'était quoi ce petit bruit, Marion ? J'ai eu très très peur. T'as fait un petit bruit, Marion ? T'as fait. Ah. C'est possible. Ok, faisons comme si rien ne s'était passé. Ah oui, c'est le chien qui s'est secoué, je pense. Ah d'accord. Ça faisait très ce genre de bruit. Alors Marion, femme fontaine, oui, ok, mais tu nous appelles pourquoi? Bah pour vous expliquer, enfin pour savoir si ça peut se contrôler ou pas. Is it possible that to control your fontainitude? Justement, c'est parce que tu sais te lâcher et que tu sais te laisser aller que ça arrive. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien avoir ce lâcher prise, se laisser aller pour obtenir l'orgasme notamment, et donc aussi avoir cette émission. Alors quand c'est vraiment femme fontaine avec beaucoup d'urine, c'est vrai que c'est pénible, mais à part te bloquer, te contrôler, etc. Je crois qu'il faut surtout que tu apprennes à vivre avec, et puis c'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave, la nature t'a fait comme ça, avec ce truc en plus, je pense que ça n'arrive pas toutes les fois. Bah c'est gênant, bah si, parce que bon, bah à chaque rapport, c'est beaucoup de mouille, quoi, comme on dit, donc c'est hyper chiant, quoi. Sans parler de l'éjaculation forcément d'urine, hein. Ça veut dire que à chaque rapport, ça coule, quoi. Vraiment, quand je vous dis ça coule, ça coule. Mais alors, il faut peut-être prendre des précautions avec une serviette, ce genre de choses. C'est vrai que juste ça, bah oui, quoi. Mais oui, ça, je pense que tu le fais déjà. Mais après, c'est vraiment que tu t'acceptes comme t'es, et puis que les mecs en face de toi ou le mec en face de toi, il t'accepte comme t'es. C'est comme ça. La nature est à fait comme ça. Je veux dire, c'est bon. Voilà. Ah, voilà. Ouais, on peut pas changer grand chose. J'ai une question, Doc, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que toutes les femmes sont des femmes fontaines qui s'ignorent? Peut-être. Non, parce que c'est quand même un mélange de l'urine avec de la mouille, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup d'urine qui passe, et ça n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir accès à ça. D'accord, ok. Et donc, Marion, ça veut dire que t'as des putains d'orgasmes, ça c'est clair. Ça veut dire que tu jouis. Il faut peut-être. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah voilà, il faut peut-être apprendre à vivre avec ça. Hein? Ah bah de toute façon, j'ai pas le choix. Alice. Comme je suis quelqu'un de au niveau sexuel, j'ai extériorise beaucoup, donc de toute façon c'est dans tous les sens. Hein. Alors j'étais en train de penser à une solution, c'est qu'effectivement tu aies uriné avant le rapport sexuel et que tu ne boives pas. Quand je vous dis, moi c'est pas forcément, je vous dis l'éjaculation à chaque fois. Moi pour moi quand vous dites de l'urine, non pas forcément. Tu mouilles beaucoup. Voilà. Même en dehors de l'orgasme, en fait, c'est ça. Voilà, et ça coule même quand t'es pas en mode femme fontaine, quoi. Oui, vraiment femme fontaine, c'est vraiment du liquide qui est particulier avec de la cyprine dedans et des éléments urinaires. Donc ça ressemble quand même un peu plus à de l'urine. Après, effectivement, quand on mouille beaucoup, ça c'est parce qu'on est très excité. D'accord. Et que ton corps, il produit ça, ça sert de lubrifiant. Voilà. Effectivement, trop, d'accord, je l'entends de ta part, mais... tu ne peux pas y faire grand-chose. À part sécher juste avant. Faut pas que t'en aies honte, en fait. Non, c'est comme ça. La seule chose que t'as à faire, c'est de travailler sur toi pour dire... Okay, oui. La nature m'a faite comme ça. C'est comme ça. Il y a plein de filles qui sont gênées parce qu'elles mouillent, parce que il y en a dans le lit, parce que ça tache les draps, parce qu'il y a ci, il y a ça. Alors que je veux dire, à la fin d'un orgasme, l'éjaculation masculine, c'est quand même conséquent. Ça en fout un peu partout. Donc je vois pas pourquoi tu devrais te stresser avec ça et te dire faut pas que ça te gêne de toute façon. Bien sûr. Et puis il y a plein de femmes qui elles n'ont pas de lubrification et pour lesquelles les rapports sexuels sont pénibles. Bon bah au moins toi ça se passe bien. Ça peut exciter des mecs. Voilà. Bien sûr, Marion. Tu sais, moi, je suis déjà sorti avec une femme fontaine. Je mettais mon petit kawaii et après j'étais bien. Voilà. Et franchement, moi, ça m'a toujours excité les femmes fontaines parce que je trouve que ça plaît beaucoup. Hein. Mais bon. Bah oui, Kassim, quand tu vis, c'est autre chose, quoi. Ah ben ça, j'imagine, Marion. Mais il faut pas voir ça comme un drame. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de naturel, de normal. Toutes les femmes ne sont pas comme toi, mais il faut vivre avec ça, Marion. C'est ça. C'est comme d'être grande ou d'être petite, d'être blonde ou d'être brune, d'avoir les yeux bleus ou les yeux verts. C'est pareil. Voilà, Kassim, tu veux te dire un truc? Ouais, moi, j'adore ça. J'ai mon 50 mètres de nage libre femme fontaine. T'as eu ton diplôme. Hein. Ouais, aller-retour et tout. Non, c'était bien. Un masque et tuba et on est bien. Et hop, là, on plonge dans le bonheur. Marion, je suis désolé, hein, on aimerait avoir un bouton interrupteur pour arrêter ta fontaine, mais ça n'est pas possible. Donc c'est vrai que trouver le partenaire qui accepte ça, ça peut être un petit peu compliqué. Les positions aussi, ça change beaucoup selon les positions. En missionnaire, par exemple, une femme, tu vas quand même vachement plus mouiller que dans d'autres positions. Donc teste peut-être des trucs qui stimulent un peu différemment. Peut-être que tu mouilleras beaucoup moins. Ah non, mais moi, c'est de nature. Hein. Je pense que c'est de nature. Hein. Moi, dès qu'on parle, c'est de nature. Quoi. Bon, tu mouilles ? Faut rien pour m'émotiver. Tu mouilles ? Non, pas là, ça va. Bon, bah alors, tout va bien, Marion. Tu vois, de quoi te plains-tu, Marion ? Enfin. Marion, on te fait des gros bisous. C'est cool, en tout cas, d'être venue sur antenne pour nous en parler. Et je pense que ça a aussi parlé à beaucoup d'auditeurs, et enfin surtout des auditrices hein, qui nous écoutent et qui vivent peut-être ça au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au standard 01 42 48 5000. Gros bisous, Marion. Gros bisous, bonne soirée à tout le monde. Bisous, salut. Salut Marion, dans un instant nous allons faire la fête à Méloche. Ouais Méloche, elle est toute motivée à s'en déconner. Ça va Méloche? Au taquet. Alors on t'a réservé deux petites surprises dans un instant. Okay. Va manger tes gâteaux en attendant parce que là tu as besoin de force. Restez bien avec nous, on va revenir avec Remedy. On fera un Facebook Live les amis d'ici quelques minutes là. Il va falloir vous connecter sur le Facebook de Fun Radio. Allez, sur Remedy, à tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Cette semaine, votre mission est de jouer au double fun. Seuls les meilleurs des meilleurs gagneront le jeu le plus attendu, Call of Duty Black Ops 4. Go, go, go, go! Dès que vous entendez le double fun avec Calvin Harris et Dinoro mixé à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Gagnez votre PS4 plus le jeu Call of Duty Black Ops 4. La mission Double Fun, exclusivement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec ? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon ? Bah oui, et en plus je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine ? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans. Et profitez de 50 euros de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. W9 et Fun Radio présentent les Marseillais versus le reste du monde. Plus que jamais, ils sont prêts à tout pour remporter la coupe. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Entre jeu, amitié, amour et trahison, sauront-ils faire les bons choix ? L'heure de l'affrontement a sonné. Les Marseillais versus le reste du monde, du lundi au vendredi à 18h50 sur W9. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. The soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. That's on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, cause we got audio. Les Carrel, Alice et Doc Pavageau. 22h minuit sur Fun Radio. Oui, appelez-nous tous les soirs sur Fun Radio. Une question à la con ? Bah appelez-nous. 01 42 48 5000, il n'y a pas de mauvaise question ici dans cette émission. Ce soir, nouvelle soirée avec vous tous, vous toutes depuis 22h. Je m'appelle Carrel, Alice. Oui. Doc. Oui. Et ce soir, Méloche. Salut, ça va Méloche ? Ouais, ça va. Méloche, j'essaie de me détendre là. Bah, pas forcément. J'aime en prenant bien ma place. Ah oui, c'est vrai. On a mis Méloche à la place de Doc parce que Méloche a fait des études d'infirmière et pense pouvoir donner des conseils ce soir, n'est-ce pas, Méloche? Oui, tout à fait. elle croit vraiment qu'elle va prendre la place de Doc ce soir. Merde. Non, Méloche, c'est ton anniversaire. Mm-hmm. On a décidé de te faire un petit plaisir, un petit cadeau ce soir. Est-ce que la première surprise de Méloche est prête? Qu'on fasse rentrer la première surprise de Méloche en direct et en Facebook Live. Greg de Fun Radio. Le nouvel animateur du 12h-16h vient de débarquer sur Fun Radio. Genre, je le dis, pour tous ceux qui veulent se connecter, rendez-vous sur le Facebook de Fun Radio. Nous sommes en Facebook Live. On salue tous ceux qui nous rejoignent. Restez bien avec nous, car dans un instant, il va y avoir encore une deuxième surprise. Mais déjà, quelle belle surprise de t'avoir, Greg, ici au micro de Fun Radio. Bonsoir, Love in Fun. Je vous préviens, je suis pas venu pour faire de l'humour, je suis venu pour faire l'amour. Alors, Greg, ce soir, tu nous as demandé s'il était possible de faire une surprise à Méloche. Exactement, je sais qu'il y a une surprise encore meilleure que moi qui arrive après. Non. Et je me suis dit, peut-être que moi, mon talent, je sais pas, c'est la poésie ou la chanson même. Ouais. Chanson pour Mélanie, pour Méloche. Alors déjà, avant de commencer, Méloche, est-ce que tu es contente et heureuse de voir Greg de Fun Radio? Très contente, ouais. Oh Moi, j'ai vu un truc dans son regard, dans son intonation. Moi qui suis un professionnel des médias, ouais. J'ai trouvé que son intonation était, tu vois, comme quand t'es une petite gêne. On n'a pas un truc à lui mettre au doigt là, c'est un truc qui. Un détecteur de mensonges. Non, mais peut-être pas jusque là quand même, tu vois. Mais écoute, on va dire qu'elle est chaleureuse. Ouais. Hein, qu'elle est enclin à t'écouter. Exactement, elle est non, mais enclin. Ça m'a surtout, pardon, excuse-moi, mais ça m'a surtout rassuré que ce soit pas mon ex en fait. Quand je t'ai vu, j'étais. Non, c'est le futur. Futur ex. Voilà, futur ex. Greg, si tu as quelque chose à dire à Méloche, c'est maintenant. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Méloche, t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue sur du satin et je n'endors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si j'en rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, Méloche, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la place en face, et de visiter ton paradis. C'est quoi, on pourrait en faire une chanson de ce truc, hein. Ah, carrément. Moi, je suis aussi venu pour me faire repérer. Je sais que dans le groupe M6, on a des émissions où ils cherchent des talents de la chanson. Bien voilà, sûr. J'ai fait les deux en même temps ce soir. Mais je me suis non, dit, tu l'as dit, ils cherchent des talents. Voilà. Voilà. Alors, Greg, franchement, j'ai envie de te féliciter. Méloche, tu sais que là, ce que vient de faire Greg, enfin, bah, je veux dire, se mettre à nu comme ça devant toi. Il a toujours le t-shirt, là, pour le moment. Il s'est pas mis à nu. Moi, vous l'avez compris, je suis plus un intellectuel. Et plus de nuts. Ouais, je suis plus. Il faut expliquer comment elle m'a clashé là, elle m'a tué là. Parce que tu portes un t-shirt avec Homer Simpson. Homer Simpson qui parle de donuts et puis elle insinuait que je suis en surpoids visiblement en parlant de donuts. Si j'ai bien compris, je sais pas ce que t'en penses, Karel. Pas du tout. Bah, non, je pense que bah voilà, elle a fait une petite gaffe. Mais Bon, elle a le droit d'avoir de la répartie, la petite. Moi, elle est quand même sur Fun Radio. Là. Moi, j'ai la sensation. Je vais te dire un truc. J'ai la sensation que son regard a changé à ton égard. Ah bon, j'ai vraiment le sentiment que la première fois qu'elle t'a vu, elle s'est trop rien dit et que maintenant, quand elle te voit, voilà, il y a effectivement un petit peu plus. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce que finalement, il serait peut-être pas intéressant ce mec? Ah, je ne sais pas, il faudrait en parler à la direction de Fun Radio. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que Morgane, je suis vraiment intéressant? Morgane, notre auditrice du soir, qu'est-ce que tu as pensé de ce que vient de faire Greg pour Méloche ce soir? Je croyais qu'elle avait envie de cul et pas d'amour. Enfin, Alors, je peux faire le sexe aussi, c'est bon. Hein. Moi, je suis un romantique et je suis un obsédé sexuel aussi. Pour le cul, je sais pas, mais en tout cas, il y a une deuxième surprise pour Méloche ce soir. Nous allons accueillir en direct sur Fun Radio Sofiane. Et attention, connectez-vous en Facebook Live parce qu'avec Sofiane, ça risque d'être assez chaud dans les studios de Fun Radio. Petite musique de Britney Spears, petit circus et Sofiane qui débarque, un strip teaser. Il est habillé en policier. C'est du lourd. Salut Sofiane. Bonjour à tous, allez bien. Ouais. Il y a l'ambiance, funradio.fr pour les images, Facebook Live de Fun Radio. Sofiane est en tenue de policier et va faire un petit strip. Il assoit Méloche sur sa chaise et là, il prend plaisir à se mettre derrière Méloche en l'étranglant petit à petit. Il a une matraque hein, quand même, hein. Il est venu avec sa matraque. N'hésite pas à montrer ta grosse matraque. Alors Greg, n'hésite pas à m'aider à décrire car c'est quelque chose que je fais très très mal en radio. Hein. Eh bien, il est en train de simuler une position sexuelle avec Méloche. Tout à fait. Penses-tu qu'il a une petite érection? Bah évidemment, moi j'en ai une en tout cas. En tout cas, ça fait bien marrer, Doc. Doc, on s'y croirait, hein, Doc. Hein. Sans déconner. Hein. Méloche, est-ce que tu kiffes Méloche? Oh là là, moi je kiffe en tout cas. Le mec est en train de se déshabiller, c'est-à-dire que le six-pack, comme on parle. Hein. Ce qui est génial, c'est que c'est Méloche qui enlève tous les boutons et qui le déshabille. Tu peux le toucher, Méloche. Touche-le, c'est gratuit. Hein. On est quand même sur un mec hyper bien foutu, quoi. Je rappelle que ça fait un an et demi que Méloche n'a pas touché d'homme. Et là, sans déconner, Sofiane, tu nous mettrais presque des complexes. Mais presque seulement. Donc là, il y a une petite danse un petit peu rapprochée. Ouais, on filme, t'inquiète pas. On est en direct, en streaming. Et spécial. Attends, sans déconner. Francky Vincent pour un striptease. Alors ça, il y a des pénis qui se sont cassés pour moins que ça. Hein. Je te le dis. Alors là, il est en train de faire une danse endiablée. Méloche est couché par terre. Je vous décris hein, tant bien que mal. Morgane, tu regardes un petit peu sur le Facebook Live ou pas? Je regarde en décalé, le live ne marche pas. Très bien. Et ben, alors, il faut que tu fasses un petit refresh de la page. Et comme ça, tu pourras voir la prestation de Sofiane. Qui, à mon avis. Il est sympathique à regarder en tout cas. De toute façon, pour avoir un corps comme ça, évidemment, c'est de la gonflette. Hein, c'est de la gonflette. Et donc, la Méloche est en train de fouetter les fesses de Sofiane. Elle ne se fait pas payer. Hein. Est-ce que Méloche, elle est chaude. Hein. Va terminer entièrement nue dans ses studios. On espère. Allez, Sofiane. Jeté de pantalon. Il a les pantalons qui se déchirent comme les vrais stripteaseurs. Le jeté de pantalon. T'as sans déconner, putain. Moi, je suis un peu déçu par les fesses de Sofiane, personnellement. Je veux pas mettre un peu de négatif dans cette affaire-là. Regardez bien ses fesses. Il y a un gros problème par rapport à ses abdos et ses pecs, je trouve. Alors, on ne critique pas. Non, on ne critique pas la marchandise. C'est alors Sofiane. Sofiane se fait un petit kiff là. Ouais. Est-ce que tout va bien, Méloche? Est-ce que tu te régales pour ton anniversaire? Il faut parler bien fort. Elle va se régaler là. Oui, ah bah voilà, elle va se régaler. Alors, Sofiane, il est chaud. Allez. Sans déconner. Alors, Sofiane, il a mis une banane. Il a mis une banane. Il a mis une banane dans son caleçon. Et Sofiane, et Méloche vient de manger la banane. Alors en fait, Sofiane a ouvert une banane qu'il a glissée dans son caleçon en la faisant ressortir de son caleçon comme c'était son pénis en érection. Et Méloche, ben voilà, la gourmande, elle a croqué dans la banane. Elle leur demande. À retrouver en Facebook Live sur Love in Fun, le Facebook de Fun Radio aussi, puis on est en train de vous faire des Insta Absolument. Stories. Et il termine en stream. Oh là là, oh là là. Ah putain, sans déconner. Un truc de fou là. Sofiane. Elle lui fait. Ah ben voilà, mais là je touche le cul de Sofiane, ça y est, c'est parti. Et elle le masse bien et tout. Putain, sans déconner, c'est génial. Allez, regardez les amis, en Facebook Live sur funradio.fr. C'est que du bonheur pour vous, mesdemoiselles. Hein. On se fait plaisir. Show Performer, hein. Si vous cherchez un stripteaseur ou une stripteaseuse, rendez-vous sur le site www.showperformer.fr. Vous aurez entre autres les services de Sofiane, qui est ultra golasse et qui embrasse Méloche sur la main. Bravo! Bravo Sofiane! Putain. À la petite bise pour se dire au revoir. Ils se sont rapprochés ces deux-là. Asseyez-vous tous les deux. Asseyez-vous. On va quand même faire un petit débrief de ce moment incroyablement sexy et sensuel. Méloche, on est d'accord que tu viens de manger la banane de Sofiane. Ouais, mais je suis déçue de moi. J'aurais pu faire une meilleure performance. J'ai pas croqué assez loin. Je suis dégoûtée. Gorge profonde. Ça va, Sofiane? Ouais, super. Bon, sans déconner. Putain, c'est hyper chaud ton show là. Tu vas jusqu'où, franchement? Tu peux aller jusqu'à te mettre entièrement nu ou pas? Bah, c'est ce qui se passe en général, ouais. Ah ouais, carrément. Mais avec le sexe caché, quoi. Bien sûr. Ce sont des prestations professionnelles. Bien sûr, évidemment. Ouais. Bah, merci beaucoup d'être venu, Sofiane. Ouais. Et alors, si on veut te retrouver, c'est sur le site showperformer.fr. Exactement, c'est ça, oui. C'est l'agence avec laquelle je travaille. Eh ben, je suis jaloux de toi. Voilà, il a les veines qui ressortent sur le corps et tout. Comment on fait pour avoir un corps comme ça, Sofiane? Ça, bon, faut s'entraîner, faut éviter les pâtisseries que vous avez dans votre couloir. Voilà, exactement. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des femmes, des fois, qui te lèchent le corps? Non, parce que ça nous est passé par la tête plusieurs fois en te regardant danser. Donc. Après, en général, c'est plutôt nous qui prenons les mains de la femme plutôt que la femme qui lèche ou quoi. Puis en général, quand la femme est plus ou moins surprise au début. Donc, Ah, mais là, elle s'est quand même prêtée au jeu quand même. Hein, ah, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, même si elle a mangé pas trop de la banane, quoi. Un peu. aurait pu mieux faire. Ah ouais, voilà. Elle ne fait pas de gorge profonde, pas encore. Ça fait trop longtemps là, il faut qu'elle se réadapte. C'est normal, petit à petit, on fera des petits tests bananes de temps en temps avec Méloche. Merci beaucoup Sofiane en tout cas d'être passé ici. Le site showperformer.fr pour avoir les meilleurs stripteaseurs et stripteaseuses, bien sûr. Je vais m'inscrire pour commander une stripteaseuse pour la semaine prochaine. Bah, clair, ça donne envie. Quoi. Ah bah, bien sûr, je te le dis, Alice, t'aurais aimé avoir une surprise comme ça? Écoute, moi, regarder, ça me va bien. Après, j'aurais peut-être été un peu gênée. Je pense pas que je l'aurais ploté vraiment. Ouf, quoique, non, je l'aurais ploté quand même. En tout cas, Doc, c'est tout filmé pour mes loges. Il m'a fait ploter son corps, je mouille. Et Doc a tout filmé pour ses souvenirs de vacances. C'est pour vous les envoyer. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vais remercier également Morgane, qui a dû se rincer l'œil sur le streaming vidéo et sur le Facebook Live. Morgane, c'est toi qui termine cette émission. Tu peux te lâcher, ma chérie, on t'écoute. Oui, bah écoutez, je vous remercie pour votre accueil. C'était fort sympathique de regarder Sofiane. Ah. Et puis voilà. Et puis je fais un bisou à Ingrid et Jérôme aussi qui m'écoutent. Eh ben, gros bisous à eux. Merci beaucoup d'être venu ici. Je remercie également Greg qu'on n'a pas entendu après la prestation de Sofiane. Non, je tiens juste à dire, en vrai, quand il a retiré son caleçon, bah il a un putain de beau cul, quoi. Voilà, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on voit ses fesses, en vrai, voilà, je fais amende honorable, comme on dit. Il a des belles fesses. Eh ben voilà. C'est finalement, j'ai l'impression que c'est Greg qui va finir avec Sofiane. ça t'a fait plaisir, Méloche? Ouais, franchement, j'ai kiffé. Bienvenue dans la famille Love in Fun. Merci beaucoup. Et on va accueillir Adrien Thomas sur Fun Radio. Bonsoir, Adrien. Salut. Ça va super bien. T'as vu le strip-teaser? Ouais, mais en fait, quand je suis arrivé en bas, on a les caméras, tu sais, on voit les. Quand tu arrives à la réception en bas de Fun, tu as ouais. les télés et tout. Et je vois effectivement un mec qui arrive dans le studio hyper bas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à minuit dans cette émission? Et je suis arrivé, donc j'ai vu un homme nu, j'ai compris. Ah, tu verras, il y aura une petite surprise pour toi, mais c'est dans 10 minutes, ça va arriver dans le studio. Mais c'est pas mon anniv, mais ça me fait plaisir. Eh bien, c'était pas prévu, ça tombe. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans Party Fun? Ce soir, on va démarrer avec le remix de Mesto, qui est un petit jeune prometteur qui est d'Amsterdam, qui est un pote de Martin Garrix, qui a remixé Kungs, The Be Right Here. Et puis Mercer, qui est un bon pote à DJ Snake aussi. Je vais faire une émission avec lui très bientôt. Et c'est un DJ, à mon avis, on va en entendre parler. En plus, il est nommé au Fun Radio DJ Awards. D'ailleurs, vous pouvez plus voter, là, c'est fini. Absolument. Depuis 4 minutes. J'espère qu'il va gagner un prix cette année. C'est Mercer. On va écouter son nouveau morceau qui s'appelle Monte Carlo dans 5 minutes. Et est-ce qu'on écoutera le nouveau Adrien Thomas? Bah, bien sûr, si tu le demandes. Bah, je le veux. Allez, bim! C'est parti. Party Fun jusqu'à 1h du mat avec Adrien Thomas au platine. Ciao. Bonne soirée à tout le monde et à demain sur Fun Radio. Open your eyes for a new reality.